bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue au Lobster 135.0. C'est un lobster de vacances qui débute, et oui, on est mardi, et je ne travaille pas le mardi durant le mois d'août, ni les lundis, ni pas mal d'autres journées durant cet été. Donc cette semaine, on parle de quoi? Est-ce que c'est la suite de notre grand spécial des zombies? Eh bien non, non, j'ai décidé que c'était terminé, il n'y aura pas de part 2 aux zombies. S'il y a une épidémie, ben débrouillez-vous. Et savez-vous quoi? Je pense même que cet épisode marque le début de la saison 4 du Lobster. Mes saisons sont très approximatives, donc j'ai débuté en 2018 le podcast, donc selon mon image de site en ce moment, on serait saison 3 dernièrement. Donc passons à la saison 4 avec ce Lobster. Assez fêté, un solo de flûte, c'est pas mal tout ce que j'ai moyen de nous payer pour le début de cette nouvelle saison. Donc, saison 4 du Lobster, à quoi vous attendre d'après vous? Oh là là, c'est quand même pour moi beaucoup de pression. Dans saison 4, je vous promets rien, mais on va essayer d'être respectueux envers les personnes de petite taille. C'est ça mon objectif. C'est pas mal ça. Le reste, ça devrait être pas mal la même chose. Je suis toujours en direct de ma cuisine pour faire l'enregistrement et je vous parle de ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui me passe par la tête, et mon frère et ma copine vont sûrement revenir avec moi de temps en temps quand ils sont disponibles. Cette année, on doit aussi plus essayer d'enregistrer une version vidéo. Les deux fois qu'on a fait ça avec mon frère, ben les tests, c'est pas super concluant. J'ai fait des erreurs à chaque fois, donc j'ai encore besoin de pratiquer pour voir comment ça marche. Pour l'instant, dans les archives du Lobster se cache une aventure de Donjon Dragon qui va probablement sortir un jour. Je dois la remixer au niveau du son avant de sortir ça. C'est une aventure qui dure une bonne heure où mon frère fait face au défi d'être un nain. Et j'ai aussi une autre émission partiellement enregistré et quasiment fini. C'est un épisode du Lobster Santé, un nouveau personnage qui est très bien dans sa peau, qui arrive en onde. Et bien sûr, il y aura au cours de la saison 4 des épisodes avec Foxy Mox. J'adore ça quand j'ai une bonne idée de faire Foxy Mox. Donc c'est ça qui est ça. Voilà, bonne saison 4. Sinon, suivi sur l'épisode précédent, ben oui, on parlait de quoi? On parlait de zombies, mais comme on change de saison, on parle plus de zombies. Ouais, j'avais promis qu'il y aurait une suite aux zombies, mais non, saison 4, c'est fini le zombinisme. En fait, c'est que j'ai plus le goût de lire la suite du guide de survie contre les zombies. C'était drôle une journée, pendant environ une heure, là, j'étais bien dehors à lire ça au soleil, mais là, cette semaine, j'ai plus le goût de jaser de zombies, j'ai plus le goût de vous parler de ma nouvelle passion! Pour Noël, il y a des cadeaux pour les enfants et des cadeaux pour les parents. Mais avec le jeu vidéo Atari, enfants et parents peuvent s'amuser ensemble! Non seulement Atari vous propose Pac-Man et Space Invaders, mais il présente maintenant Yars Revenge! Oh. Voilà pourquoi Atari, c'est la passion. Allez, laisse gagner papa. J'essaye. Atari, 1500 jeux vidéo qui déchaînent les passions. Hier, c'était lundi, et comme j'avais rien à faire, j'ai décidé de retourner au Bleuet. J'ai donc pris la route et j'ai pris la direction de Saint-Anicet. Quand je veux cueillir des bleuets sauvages, je vais au chalet au Saguenay, mais quand je suis chez moi, à l'île Perrault, je vais me chercher des bleuets cultivés à la bleuetière Linda et Ulrich de Saint-Anicet. Donc, beau voyage en campagne qui me prend une soixantaine de minutes avant d'arriver sur place, et arriver là, déception. Ouais. Les bleuets, quand je suis arrivé, ils étaient trop mûrs. Ça sentait un peu le fermenté dans la bleuetière. Il y avait même plein de bleuets trop mûrs qui étaient tombés par terre. Et pour cueillir un bleuet, je devais inspecter le bleuet pour être sûr qu'il était assez ferme. Donc, j'ai abandonné assez vite. J'en ai ramassé environ pendant 30 minutes et je suis reparti de là. Surtout que j'étais déjà allé le mois d'avant pendant que les bleuets étaient beaux et bons et j'en avais ramassé 4 grosses chaudières avec ma copine. Donc, mon frigo était déjà plein de bleuets. Là, ce que je voulais, c'était des bleuets frais et il n'y en avait pas. Et c'est là que, face à cette mini-déception, que j'ai décidé de me gâter. Et oui, fallait que je parle de la déception des bleuets pour justifier l'achat qui s'en vient et qui deviendra par la suite ma passion du moment. Yeah! Yeah, baby! Yeah. Car la veille, je ne sais pas trop pourquoi et comment, j'étais tombé sur Marketplace sur une vieille console Atari 2600 en vente pour 140$ avec 14 jeux qui, je dois vous le préciser, cette console avait été la première que je m'étais achetée quand j'étais enfant. Et c'est la seule que je n'ai pas conservée. J'ai toutes mes autres, sauf cette console Atari que j'avais revendue à un cousin pour m'acheter la console de Nintendo, le NES. Et parlant de console, que j'ai toujours précieusement conservée, je tiendrai cette fois sous silence l'histoire de mon PlayStation 1 que j'ai un jour prêté à mon frère et qu'il ne m'a jamais remis. Cette histoire, trop triste, ne doit pas être réveillée. Donc, retour à l'annonce Marketplace de cette console Atari 2600, semblable à celle que j'avais déjà eue. J'hésitais. Depuis 24 heures, j'étais pas sûr si j'allais l'acheter, car c'est quand même un guess d'acheter une console des années 80 à quelqu'un qui a une photo qui donne pas trop confiance. Car oui, la photo du vendeur me laissait à penser qu'il n'avait pas une vie parfaite et agréable. Bref, je venais de quitter la bleuetière, puis là j'étais rendu environ vers Huntingdon. J'avais fait un détour par cette ville pour voir les beaux paysages et aller voir les spots à kayak. Car je savais que dans ce coin, il y avait des belles places. Ben, on m'avait dit qu'il y avait des belles places pour se mettre à l'eau. Et là, alors que mon téléphone m'avertissait que j'étais rendu connecté en mode je ne sais pas trop quoi, en itinérance, je crois, car j'étais rendu près des États, donc j'étais branché aux États-Unis, et Bell m'avertissait que ça me coûterait de l'argent, eh bien, bref, tout ce détour pour dire que, regardant mon téléphone, je me suis dit « Ok, je l'achète. Ça va être ma mission de la journée. Acheter cette console Atari 2600. » Donc, je me suis stationné en bord de chemin, direct en face d'un champ de maïs bien haut. Ici, en fait, peu importe où je me serais arrêté, j'étais en face d'un champ de maïs à vache. J'étais au milieu nulle part, dans la belle campagne des pays d'en haut ou d'en bas, entouré de champs de maïs qui bougeaient sous l'effet du vent, ou des zombies s'y déplaçant, ça, je n'ai pas vérifié. Donc, retour à mon téléphone où j'ouvre Marketplace et j'écris à cette personne à la photo distinguée et lui dit que je veux acheter sa console. Donc, on échange 2-3 messages et on en vient vite à... Deal or no deal. En fait, il n'y a pas vraiment eu de deal or no deal. J'ai pas négocié la console, là. J'ai juste dit au gars que je l'achetais. Donc, c'était plus de dealer les détails si je pouvais passer maintenant chez la personne. Et oui, bien, mon nouvel ami à la photo raffinée et de bon goût, que oui, eh bien, il m'a dit qu'il est chez lui, que je peux passer quand je veux, ce qui fait quand même mon affaire, car j'aurais cru qu'il sera au travail. Mais non, cette personne est probablement bien nantie et n'a pas besoin de travailler, ou elle profite, comme moi, simplement de ses vacances bien méritées. Donc, tout est arrangé, je vais être là dans 2 heures. Car du champ à zombies où je suis stationné, c'est pas mal loin du logis d'Augustin de Flandre qui habite dans NDG à Montréal. Bon, il s'appelle pas vraiment Augustin de Flandre, mais c'est mon avocat qui m'a demandé de masquer son nom pour éviter des poursuites futures. Donc, vroom vroom, petit détour à la petite grange de Valleyfield où j'arrête toujours quand je passe par là. Leurs sandwichs sont délicieux, je vous encourage à y arrêter. Et environ 2 heures plus tard, j'arrive dans le quartier où habite Augustin des Flandres et où mes craintes vont malheureusement se confirmer. Au départ, je lui ai écrit pour lui dire que j'étais là et j'ai pas eu de réponse. Et moi, j'étais en bas. Moi, je regardais les appartements du haut et je voyais bien là, qu'il était là. Sa fenêtre était ouverte et l'odeur qui descendait vers moi m'expliquait sûrement en partie pourquoi il ne répondait pas. Il était probablement là physiquement, mais probablement qu'il avait en ce moment un léger absentéisme mental passager. Donc, pendant ce temps où j'ai dû attendre, j'ai marché un peu sur la rue dans les alentours pour voir si par hasard je ne pourrais pas apercevoir une petite personne de petite taille, ce qui rendrait ma journée encore plus agréable. Mais non, j'en ai pas vu. Et c'est finalement, une dizaine de minutes plus tard, que j'ai écrit de nouveau à Augustin, où cette fois, j'ai obtenu une réponse immédiate qui était « J'arrive ». Et effectivement, mon ami du moment est arrivé sans attendre à la porte et il m'a tendu une boîte qui contenait mon précieux, entouré d'une effluve de weed qui encore aujourd'hui imprègne la console. Donc je paye mon ami et là, avant mon départ, que je souhaite hâtif, Augustin tient à m'expliquer comment brancher ça. Il me montre un petit bout de fil rapiécé qui part de la boîte et qu'il m'explique, c'est fait lui-même, c'est un fil homemade qui permet de brancher la console sur un écran flat screen là, sur nos TV récentes et qui me permettrait donc de jouer directement sur ma belle TV. Donc là, j'étais quand même content d'avoir affaire à un débrouillard 50. Quand même, je suis content pour vrai. Je suis soulagé. Heureux d'être vivant. Et pendant que je roulais pour revenir chez moi avec une étincelle d'espoir dans l'œil, car je me disais, s'il a pris la peine de m'expliquer comment ça marche son petit bout de fil, comment le brancher, ben j'imagine que ça doit quand même marcher, là, cette console-là. Donc, de retour à la maison, en prenant bien sûr le temps de profiter du trafic de Montréal, ça fait toujours du bien de perdre un petit 30 minutes avec toutes les autres qui, comme moi, aiment le trafic. Donc, arrivé à la maison, c'est le grand test. Oh oui, je branche ça et... déception, oh oui, déception. Rien, pas un son, pas un bruit. Même si je joue avec le bouton archaïque de on-off et que je m'assure que l'adaptateur 9 volts est bien branché, et ainsi de suite, on-off, on-off, la console n'émet aucun son rassurant. C'est le silence total. Et, bon, vous voulez sûrement savoir pourquoi. Pourquoi il n'y a aucun son? Eh bien, je vous dis ça après la pause, car oui, là, c'était juste l'intro où je voulais simplement vous dire de quoi on va parler dans ce Lobster. Et oui, si vous n'avez pas encore deviné, on ne parle pas de noblesse française, de la pêche au crabe, ni des différentes variétés de maïs et de personnes de petite taille. Non, on parle plutôt de l'histoire d'Atari. J'ai plein de bonnes anecdotes à vous raconter, des choses personnelles, vu que j'avais cette console quand j'étais jeune. Des choses que j'ai lues, des choses que j'ai expérimentées. Donc, on parlera aussi, en cours de Lobster, des nouveautés Atari. Et oui, vous ne le savez sûrement pas, mais il y a encore, en 2023, des gens qui font des jeux pour la console de 1977. Et oui, même moi, je suis surpris. Il y a des gens qui programment encore pour l'Atari 2600 et qui font des cartouches qui nous vendent. Voilà. Donc, j'ai plein de choses à jaser avec vous après la pause. Et si malheureusement vous étiez de ceux qui attendaient cet épisode pour connaître les trucs pour survivre à une attaque de zombies qui a lieu en ce moment sur votre maison, eh bien, il faudra vous débrouiller. malgré que je peux bien prendre 2 secondes pour vous aider avec un dernier truc. Allez, on part à la pause sur un conseil tiré du livre « Guide de survie en territoire zombie », conseil numéro 14, page 250. Il est dit, dans ce conseil, de rester caché. Même si la topographie de votre refuge suffit parfois à minimiser les risques de détection, un zombie peut toujours s'aventurer près de votre camp, donc débrouillez-vous pour éteindre toutes les lumières une fois la nuit tombée. Voilà, c'était le dernier conseil pour vous sauver des zombies. On reste caché pour ne pas se faire voir. C'est ça le conseil final qui met un terme au dossier des zombies. Les zombies, c'est hot. Ce qui est maintenant, c'est les consoles vintage. Yeah! Yeah, baby! Yeah. Bon, en musique, on écoute quoi? Durant la pause, on écoute Damnation Flame du groupe Amaranth. C'est sorti récemment et je trouvais que ça sonnait bien. Donc, on écoute ça et au retour, la suite du Lobster 134.0. De retour dans le Retro Lobster épisode 134 consacré à la console Atari. Si on se souvient bien, juste avant la pause, je venais de brancher la console. Et oui, suivant les instructions du vendeur, Augustin, j'avais connecté la console sur ma télé dans le salon grâce à un petit bout de fil patenté qui permet de passer d'un vieux format de connexion à de quoi d'un peu mieux qui se fait sur les TV modernes. Et suite à ça, j'ai mis on sur la console et à ma grande surprise, pas un son. Zéro niette silence. Je me suis dit, mon chien, il est mort. En fait, j'avais peur d'avoir perdu 140$. En fait, c'est un guess et je croyais avoir perdu. Je décide, à ce moment quand même, d'ouvrir la télé et de faire ce qu'il m'a dit. Et c'est là que j'ai eu une surprise! Quoi? Ça marche? Et oui, la console marche même si elle fait aucun bruit. Bon, on n'est plus habitué à ça, mais les premières consoles n'avaient pas de fan à l'intérieur. Mais c'est normal, avec les spécifications que ça a, pas besoin de fan parce que le circuit à l'intérieur ne chauffe pas vraiment. J'ai regardé pour cette console et elle avait 128 octets de mémoire. Si on compare à un ordinateur qui a 16 gigs de RAM, lui c'est 16 millions x 8 octets qu'il y a de mémoire, alors que la console a juste 128 octets. Donc ça explique un peu pas mal pourquoi les jeux ont des graphiques un peu plus limités, mais c'est ça qui fait que ça ne demande pas trop de ressources à la console. J'ai souvent parlé à mes garçons que j'avais eu ce genre de console quand j'étais jeune et quand je leur décrivais les jeux, je donnais toujours pas mal le même genre d'exemple. Je leur disais que j'aimais bien jouer aux jeux des carrés. Et ils me demandaient c'était quoi ce jeu. Et je répondais, c'est simple, dans beaucoup des jeux, t'es simplement un carré et le but c'est d'écraser les ronds ou d'éviter de quoi. C'est comme ça que le résumaient les jeux de l'époque. Ce qui, maintenant que j'ai retrouvé mon Atari, ben n'est pas vrai. C'est plus évolué que ça, mais ça reste quand même le début des consoles. C'est graphiquement limité. Bref, limité à 128 octets de mémoire, la console avait quand même la capacité d'afficher 16 couleurs, avec chacune 8 intensités. Et le meilleur, c'est une manette qui est comme une Ferrari. Moi, je compare ça à une belle voiture ancienne. La manette, c'est un beau carré que tu tiens en main fermement. Elle a un gros bouton rouge en haut à gauche que tu dois presser fermement avec ta main gauche. Et finalement, dans le milieu du carré, tu as un gros bâton, le joystick, qui permet d'aller dans tous les sens. Et qui, je dois dire, après environ 30 minutes de jeu, tu as tendance à avoir mal aux jointures. Ça fait 2 jours que je joue avec cette nouvelle console vintage et je pense pas encore faire d'arthrite ou de maladie d'os, mais crime que j'ai mal à certaines jointures. C'est à chaque fois que je joue, je trouve ça forçant de jouer avec cette vieille manette de jeu. Mais je crois que ça fait partie quand même du plaisir. Donc, tout ce blablabla pour vous dire que la console n'a pas de fan, elle ne fait aucun bruit. J'ai vu l'intérieur sur Internet, je suis allé voir. C'est un seul circuit imprimé qui permet de brancher 2 manettes et les boutons de sélection qui sont sur le circuit. Bon, les boutons font en parler quand même. On n'est plus habitué à ça. Pour choisir le niveau de difficulté des jeux, ça se fait mécaniquement avec un bouton sur la console. Tu peux mettre le bouton sur A pour expert ou B pour novice. Puis chacun des deux joueurs a son bouton, qu'il met comme il veut. Donc le joueur 1 pourrait jouer en mode expert, puis le joueur 2 pourrait jouer en mode novice. Bien sûr, c'est pas tous les jeux qui offrent des niveaux de difficulté, mais on verra ça plus tard. Sinon, 2 autres boutons importants sur la console, c'est Game Reset et Game Select. Si vous pensiez que vous aviez juste à brancher la console et vous asseoir sur le divan pour jouer, eh bien, non, ça serait trop facile. Il y a des étapes à suivre et entre chaque jeu, il faut souvent que tu reviennes à la console. Je vous explique. La majorité des jeux, tous ceux que j'ai sauf un, quand tu veux jouer, tu dois commencer par insérer la grosse cartouche dans la console, mettre à on et ensuite faire Game Select. Le Game Select, il permet de choisir les options du jeu. Par exemple, si on prend le jeu Sequest que j'ai eu avec la console et qui est vraiment le fun, quand tu appuies Game Select, ça écrit 1 ou 2. À l'écran quand tu presses le bouton. Si tu mets 1, tu joues tout seul. Si tu arrêtes sur 2, ça va permettre de jouer à 2 à tour de rôle. C'est pas plus compliqué que ça pour Sequest. Mais pour d'autres jeux, c'est un peu le parcours du combattant pour comprendre. Ça te prend le manuel. Il faut absolument avoir le manuel de jeu pour savoir à quoi correspond chacun des modes. Moi, j'ai eu 14 cassettes avec la console. Au départ, la moitié fonctionnait et après avoir soufflé et nettoyé un peu les autres, je suis monté à 10 qui marchaient. C'est quand même pas mal. Et là-dedans, j'ai Space Invader. Vous savez, Space Invaders, c'est le jeu où tu as une petite tourelle dans le bas et au-dessus, tu as des rangées de monstres qui bougent ensemble de gauche à droite et que tu essaies de descendre avant que les rangées ne descendent sur toi. Bon, vous savez probablement de quoi je parle, c'est un classique et je vous entendez le son là en background. Donc, pour ce jeu qui semble quand même basic, eh bien, le jeu vient avec 120 modes différents. Donc, avec le Game Select de la console, je peux transformer le jeu en 120 configurations différentes. Je vous explique. Si je prends le mode 1, j'ai le jeu de base. Mode 2, j'ai le jeu de base, mais on rajoute de quoi? Les boucliers rouges qu'on a au-dessus de nos têtes, eh bien, ils bougent. Et ainsi de suite pour les 120 modes qui nous permettent toutes les combinaisons possibles de jouer à 1, jouer à 2, jouer en alternance, jouer en même temps mais en tirant en alternance, jouer ensemble mais un joueur ne peut aller que vers la droite et l'autre vers la gauche, alterner les tirs et les contrôles entre les joueurs, un joueur bouge, l'autre tire, des bombes qu'on nous tire peuvent zigzaguer, ajout de bombes rapides et finalement envahisseurs qui sont invisible. Donc, je vous donne un exemple. Si je choisis le mode 68 en cliquant 68 fois sur Game Select, bon, là, je vous rassure, je n'ai pas à cliquer vraiment 68 fois. Je peux tenir Game Select et Game Reset, puis là, les chiffres se mettent à monter rapidement. Donc, si je me rends à 68, qu'est-ce que ça donne? Mode 68, on joue à 2. Le joueur 1 bouge juste à droite, joueur 2 juste à gauche. Les shields de protection rouge sont en mouvement et les bombes que les envahisseurs tirent zigzag. Donc, c'est à ça que sert le bouton Game Select. Et en passant, pour revenir sur les boutons de difficulté, dans Space Invaders, si tu mets le bouton en mode expert, ton genre de vaisseau dans le bas, il est plus gros, donc il est plus facile à toucher par les ennemis, c'est plus dur. Moi, j'ai tout mis à novice pour jouer, pour commencer, donc j'ai le petit vaisseau, ça me donne de meilleures chances de faire un bon score. Car oui, bien souvent, dans ces jeux, le but, c'est de faire le meilleur score, mais on y reviendra. Donc, pour les boutons de la console, c'est pas mal ça, j'ai quasiment fait le tour, il ne reste qu'un bouton, le B-W ou Color. Donc, c'est un bouton qui permet de sélectionner la couleur de la TV. En fait, même pas la couleur. C'est si tu veux de la couleur ou non. Parce qu'avant, évidemment, on avait des TV en noir et blanc et des TV en couleur. Et oui, moi, ma première TV 12 pouces était noir et blanc. Donc, tu mets le bouton sur noir et blanc dans ce temps-là. Ensuite, pour l'anecdote. Hier, quand j'ai présenté la console à mon garçon, console, voici mon garçon, garçon, voici ma console, là, ils sont souris chacun de leur bord, et je lui explique c'est quoi cette console, c'est la fameuse console du jeu du carré qui attaque les ronds, et je lui montre le jeu Sequest. Et là, il a trouvé ça le fun. Ben, je dis le fun, là, mais c'est un genre de, il a trouvé ça le fun, mais pour me faire plaisir, je crois. Il passera pas ses soirées sur ma console. Je suis safe là-dessus. Bon. Et donc, il a joué à quelques jeux avec moi. Et après, je suis parti dans la cuisine nettoyer une cassette pour la remettre sur pied. Et quand j'ai repris la console, j'avais pas remarqué qu'en quittant, il m'avait joué un tour. Il avait mis le piton couleur ou noir et blanc. Il l'avait mis sur noir et blanc. Puis j'avais pas remarqué. Puis là, j'ai essayé la nouvelle cassette que je venais d'aller nettoyer, qui s'appelle Sky Jing. Et surprise, en la mettant, je vois qu'elle refonctionne. Donc, j'étais content car avant, j'avais juste un écran noir. Et là, elle fonctionne, mais je voyais le jeu en noir et blanc. Puis, j'ai pas allumé que c'était à cause du bouton que mon gars avait mis sur Black and White avant de partir. Puis là, je me suis mis à jouer. Mais dans ce jeu, uniquement dans ce jeu, tu as besoin des couleurs. C'est le seul jeu que j'ai où la couleur est importante. Ben, c'est que c'est évident que c'est moche en noir et blanc, mais dans ce jeu-là, tu es comme un avion qui doit passer, quand il y a un pylône rouge, tu dois passer à droite, et quand il y a un pylône bleu, tu dois passer à gauche. Mais là, en noir et blanc, je trouvais ça ridicule, là, ça fonctionnait pas, et j'ai donc abandonné. Puis c'est en allant retirer la cassette que j'ai vu que le bouton n'était pas sur couleur. Et là, j'ai souri, et je me suis rassis, puis j'ai joué en mode couleur, puis là, ça a commencé à être le fun. Bref, tout ça pour vous dire que c'est important de bien maîtriser les boutons de la console. Puis comme je disais tantôt, avec une console comme ça, tu peux pas juste t'asseoir sur le divan puis jouer. Non, quand la partie termine, le jeu il recommence pas, il bloque sur le score que tu as fait. Puis tu peux pas faire de reset à distance avec ta manette. Non, tu te lèves et tu viens faire un game reset avec le bouton. Et là, tu peux recommencer. C'est sûrement pour favoriser la circulation du sang dans nos jambes. Qatari ont imposé ça. Là, j'imagine qu'ils avaient réfléchi à ça. Donc, c'est ça. C'est une console un peu vintage. Maintenant, petite pause musicale et on continue au retour avec ce spécial console Atari 2600. Pour la pause musicale, une chanson que mon frère m'a envoyée, qu'il trouve bien, c'est Every Time We Touch du groupe Electric Callboy. On écoute ça. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know. Il y a des cadeaux pour les enfants et des cadeaux pour les parents. Mais avec le jeu vidéo Atari, enfants et parents peuvent s'amuser ensemble. Non seulement Atari vous propose Pac-Man et Space Invaders, mais il présente maintenant Yars Revenge. Voilà pourquoi Atari, c'est la passion. Allez, laisse gagner papa. J'essaye. Atari, 1500 jeux vidéo qui déchaînent les passions. Bon. Ça coûtait combien une console Atari 2600 chez distribution aux consommateurs quand c'est sorti, hein, d'après vous? Eh bien, la console Atari, c'est la deuxième console la plus coûteuse de tous les temps. Bien sûr, avec les prix ajustés là, en dollars de maintenant. J'ai trouvé un article sur Internet qui en parle. C'est une étude britannique qui recense les prix originaux des consoles depuis les années 70. Puis ils ont ajusté les prix avec l'inflation en dollars de 2020. L'étude date de 2020. Puis le résultat est quand même surprenant. Ça démontre qu'en fait, les prix d'aujourd'hui font quand même pâle figure, selon l'étude, face à celui de certains modèles sortis il y a plusieurs décennies. Voici donc la liste des 10 consoles les plus dispendieuses de l'histoire après l'ajustement de l'inflation, donc en prix de 2020. En première position des consoles les plus coûteuses de tous les temps, on retrouve la console Intellivision produite par la compagnie de jouets Mattel. Elle trône en tête de liste, sa date de sortie c'est 1980. Elle était à un prix original de 300$, ce qui donne un prix de 996$ en dollars de 2020. Puis en deuxième, c'est la console Atari, dont je vous parle depuis le début du podcast. Elle coûtait 200$, qui équivaut à 882$ de maintenant. Ensuite, en troisième, le PlayStation 3 qui est sorti en 2006, prix original 500, pour une valeur de 7,80$ en 2020. Ensuite, quatrième position, c'est le CDI. Date de sortie 91, prix original 400, prix ajusté 768. Ici, la console CDI, je dois vous avouer que je ne la connais pas, ça ne me dit rien pantoute. Je suis allé lire sur Internet, puis même en lisant, ça ne me dit rien. C'est une console qui semble avoir été faite par la compagnie Philips et qui a été un échec commercial et ça semble être sorti en Europe principalement, donc c'est probablement pour ça que ça ne me dit rien. Ensuite, cinquième position, le Atari 5200, qui est sorti en 82, prix original 270, pour un prix ajusté de 740. L'Atari 5002, il est venu après l'Atari 2600. Il devait être meilleur puis tout ça, mais ça n'a pas pogné malheureusement. Ensuite, sixième position, Sega Saturn, prix de 400$, qui équivaut à 688. Ensuite, Sega CD, sorti en 92, prix original 300, prix ajusté 561. Ensuite, huitième, c'est la Xbox One, sortie en 2013, à un prix d'environ 500$, prix ajusté 560. Et neuvième position, le Magnavox Odyssey, qui est sorti en 72, donc c'est la console de première génération. Le prix original était 100$, ce qui donne un prix ajusté de 553. Et finalement, dixième position, c'est la Xbox 360, qui est sortie en 2005, à un prix de 400$. Qui donne un prix ajusté de 540$. Donc voilà, c'est le top 10 des consoles les plus coûteuses. Finalement, c'est pas ce qu'on pensait, c'est pas les consoles de maintenant qui sont les plus coûteuses. Voilà, suite à ce décompte-là, il semble que quand j'étais jeune, j'ai quand même eu les moyens de me payer l'une des consoles les plus chères. Pourtant, j'ai jamais travaillé dans ma jeunesse. Je ramassais simplement des bouteilles. Sûrement que mes parents m'ont aidé à la payer. C'était combien si je remonte? C'était... J'ai dit 200? Ouais, 200. Bon, 200 piastres, c'est quand même pas... Je me souviens d'avoir vendu une fois pour 300 piastres de bouteilles ramassées sur le bord du chemin. Donc, c'était quand même possible de l'acheter. Et maintenant, on parle de quoi? Maintenant, je vais parler des différentes versions de la console Atari. Il y a eu une première version en 1977. On dit qu'elle était très pesante selon le wiki. Ils ont même donné un nom qui était EVS quelque chose. Ensuite, un autre modèle en 1980 et finalement la 2006, la Atari 2006 en 82. Par la suite, il y a eu d'autres modèles, mais je ne les connais pas, donc je vous épargne le sujet, dont la Atari 5200 que je n'avais même pas entendu parler. Là, c'est maintenant le temps de parler un peu des jeux Atari, les meilleurs jeux et les plus populaires. Car souvent, populaire, ça ne veut pas dire meilleur, surtout dans ces années-là, où tu n'avais pas Internet pour aller voir les critiques nécessairement à l'avance ou rapidement. Oh non! Et je dois même vous dire que je suis tombé à cette époque dans le piège. Oh oui, il y a eu un piège et je suis tombé dedans. J'ai acheté le pire jeu pour Atari. Mais avant de vous révéler c'est quoi, c'est qui ce jeu-là, discutons un peu de différents détails. En passant, moi j'ai la version Atari 2600 qui est toute noire. C'est la version que les gens nomment maintenant la version Darth Vader, vu qu'elle est toute noire. Les autres versions de la 2600, ils ont comme un fini en bois qui est quand même cute. Là. Ça fait Chevy Chase dans Bonjour les vacances. Bref, moi j'avais la version Dark V2 à l'époque et j'ai racheté la même chose lundi. Puis les jeux les plus vendus pour cette console, c'était quoi? Voici la liste. En numéro 1, c'est Pac-Man en 82, 7,7 millions d'exemplaires vendus. Donc ça fait quand même beaucoup de cartouches. C'est le jeu vidéo de salon le mieux vendu à l'époque. Pas besoin de plus de détails, tout le monde connaît Pac-Man. Ensuite, Pitfall, 1982, 4 millions de cartouches vendues. Et pour info, c'est Pitfall qui est, selon toutes les critiques, le meilleur des jeux pour cette console. Je l'avais acheté à l'époque et j'ai tellement joué sans jamais réussir à le finir. Je pense qu'il fallait que tu te promènes dans les niveaux et que tu ramasses 32 ou 22 trésors. Je me souviens plus exactement, mais j'ai jamais réussi à finir la cassette. Car dans ce temps-là, pas d'internet pour t'aider. Il fallait que tu achètes des revues spécialisées de jeux pour avoir des trucs ou avoir un cercle d'amis qui jouait avec toi et qui t'aidait là, à finir ce jeu. En position numéro 3, jeu plus vendu, c'est Astéroïde en 81, 3,8 millions de cartouches. C'était la meilleure vente de l'Atari 2600 avant que Pac-Man arrive. Ensuite, il y a eu Missile Command en 80, 2,5 millions de cartouches. Ça, c'est un jeu que j'aimais bien, je l'avais aussi. T'as un genre de missile dans le bas qui part, puis en haut de l'écran, t'as des genres de bombes qui descendent en laissant derrière elles un genre de tracé. Puis toi, avec la mire de comme ton fusil, tu tires des bombes, t'essaies de tout détruire ces bombes qui s'en viennent sur toi. Si une des bombes réussit à tracer son chemin jusqu'en bas, t'es éliminé. Donc toi, tu tires des bombes dans les airs autour de ces choses-là, puis ta bombe, elle a comme un effet qui grossit deux, trois fois, elle fait tchou, tchou. Puis elle détruit toutes les lignes que tu touches à ce moment-là avec ton explosion. Donc c'est un jeu qui est quand même très difficile puis qui est très dynamique. Donc c'était très le fun vu que ça explosait partout puis tu essayais d'aller vite pour faire exploser toutes les lignes qui descendaient. Ça devenait ingérable à la fin, mais c'était quand même assez le fun. Je me souviens que j'adorais ce jeu-là. Ensuite, en cinquième position, un jeu qui est bien connu. C'est Space Invader, 2 millions. C'est le premier jeu à avoir atteint le million de cartouches vendues parce qu'il était, lui, il est sorti en 1980. En sixième, Demon Attack, 2 millions aussi. Puis c'est un jeu que je connais pas, mais j'ai été voir puis il est semblable à Space Invader. Tu tires sur des monstres qui t'attaquent dans le même style. Puis j'en reparlerai un peu plus tard de ces jeux qu'Atari ou qu'une compagnie concurrente refaisait en changeant seulement quelques petits détails, puis qui finissait par inonder le marché du jeu avec des jeux qui se ressemblaient beaucoup trop. Maintenant, on y est, on arrive à la fameuse 7e position. Ici, il fait partie des jeux les plus vendus et c'est le pire jeu, toute console confondue. Savez-vous c'est quoi? Eh bien, je vous donne une chance de le découvrir avec la publicité. Essayez, à partir de la musique, de le découvrir avant que la pub ne donne le nom. On l'écoute en anglais, car la version en français n'est pas vargeuse, vraiment. La personne a mâché mot et on ne comprend même pas le nom du jeu. Donc, on écoute la version anglaise. Essayez de deviner le nom du pire jeu, toute console confondue. Especially for systems from Atari, the video game that lets you help E.T. get home. Just in time for Christmas. Happy Holidays from Atari. Et oui, E.T. l'extraterrestre, vendu à 1,5 million d'exemplaires en 1982, il est sorti juste avant Noël. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont eu ça comme cadeau. Dans la pub, on voit E.T. qui est habillé en Père Noël ouvrir un cadeau. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau? C'est un cadeau, je crois, pour Elliot. Dans le cadeau, il y a évidemment une cassette de jeu E.T. l'extraterrestre. Et il la met dans la console. Et là, tu vois Elliot qui a l'air tout enthousiaste, qui est caché dans les marches là, de la maison. Moi, je ne sais pas si j'ai reçu E.T. à Noël ou si je l'ai acheté d'un bac en sol, mais ça reste qu'il est classé le jeu numéro 1 des pires jeux de tous les temps, toutes consoles confondues. Puis ce jeu, il a eu un impact quand même. Il a participé à la crise de 1983-84 dans le domaine des consoles vidéo, Je termine le décompte des jeux là, les plus vendus, puis on parle de cette crise. Donc, pour la suite, de la 8e à 17e position, les jeux que je vais nommer ils ont tous été vendus à 1 million d'exemplaires, et je parie que c'est simplement qu'Atari avait fait faire 1 million de cartouches, car c'est bizarre que ce soit tous les mêmes chiffres. Donc, en 8e position, le jeu Aventure, qui a été sorti en 1979, et ici, oh là là, c'est un bon jeu. C'est le premier jeu d'action-aventure. Ce jeu-là, moi, j'ai vraiment joué beaucoup et j'ai joué longtemps. Puis dans ma mémoire, j'ai longtemps cherché c'était quoi ce jeu-là que je recherchais puis que je me souvenais, j'avais des images dans ma tête jusqu'à temps que je retrouve que finalement, c'était un jeu de console Atari. C'est un peu comme la chanson du chat là, qui danse que je cherche depuis longtemps. Au moins pour ce jeu-là, je l'ai retrouvé. Bon, ce jeu-là, c'est quoi? Ben, c'est un genre de labyrinthe dans lequel tu te promènes pour retrouver un calice doré, une genre de coupe dorée. Mais évidemment, c'est pas évident comme ça de le retrouver. Tu as plein d'étapes à faire pour retrouver le calice là, puis finir le jeu. Tu dois donc te promener dans un genre de labyrinthe pour aller dans 3-4 châteaux de couleurs différentes. Mais pour entrer dans un château, tu dois trouver les clés. Puis quand tu trouves la clé, tu la transportes jusqu'au château, puis c'est ça qui ouvre la porte. Mais évidemment, il faut trouver la clé de la bonne couleur. Dans le jeu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des monstres, il y a des épées que tu peux trouver, puis amener l'épée au monstre pour le tuer. Il y a des dragons aussi. Ça, j'ai vu ça dans l'image, il y avait des dragons, mais je m'en souviens pas, donc je doute que j'ai probablement pas fini le jeu. Et, bon, nous, on est quoi dans ce jeu? Eh bien, on est un carré. Et oui, je mentais pas à mes garçons quand je leur disais que moi, je jouais à des jeux de carré quand j'étais jeune. Donc, dans ce jeu, on est un carré blanc que tu bouges dans les labyrinthes. Puis c'est avec ce carré-là. Disons que si tu veux prendre la clé, tu passes avec ton carré sur la clé, puis tu vois qu'elle est comme accrochée, puis tu vas l'amener où ce que tu veux. Donc, tadam! Et petit détail sur le labyrinthe, ça vaut la peine d'en parler. Même si tu es quelqu'un de vraiment enthousiaste, là, un bon gamer qui dit « moi, je vais dessiner le labyrinthe », eh bien, c'est quasiment impossible parce que tu ne peux pas vraiment dessiner le labyrinthe de ce jeu. Je sais pas si dans le temps, j'avais essayé moi de le dessiner pour pouvoir m'y retrouver, mais c'est impossible de le dessiner car le labyrinthe ne fit pas ensemble quand tu changes d'écran. J'ai regardé sur Internet pour trouver la map. Je me suis dit, y a-t-il quelqu'un qui a essayé de la dessiner? Oui, il y en a une, mais on voit tout de suite qu'elle est bizarre. C'est une map avec plein de trous, des espaces vides. Il y a des affaires qui ne connectent pas correct. Puis il y a même la personne qui a fait la map, il a ajouté la notice suivante que je vous lis. Les écrans du jeu Aventure ne s'alignent pas correctement. Le labyrinthe est particulièrement mauvais avec des connexions hyperspace vraiment bizarres, avec parfois des connexions horizontales qui connectent avec certaines verticales. Pour rendre la carte lisible, j'ai dû mettre des lettres pour indiquer les diverses connexions. Donc, le développeur de ce jeu, Warren Robinet, avait probablement pas pris le temps de dessiner lui-même sa map de labyrinthe avant de développer son jeu. Oh non! Il faisait autre chose. Oh oui! Il faisait quoi? Et c'est ici que je vous révèle un grand secret, un vrai secret du monde secret des secrets. Eh bien, sachez que c'est dans ce jeu, Adventure... Oh là là, je suis tout excité de vous raconter ça. On va mettre la musique du jeu pour s'exciter encore plus. Bon, ça va bien, il n'y a pas de musique pour ce jeu, c'est juste des bruits du jeu. Donc, j'ai mis les bruits du jeu avec une musique relaxante par-dessus. Et pour le secret du monde secret des secrets, eh bien, c'est dans ce jeu que le premier Easter Egg est apparu. Et oui! Dans ce temps-là, les développeurs d'Atari n'avaient pas le droit de mettre leur nom dans les crédits du jeu. C'était juste écrit « un jeu fait par Atari ». Même sur le manuel, dans le jeu, sur la boîte, n'importe où, Atari ne dévoilait pas le nom de ses développeurs. Mais pourquoi? Atari faisait ça, ont-ils justifié plus tard, pour éviter que les multiples concurrents ne sachent qui étaient leurs développeurs et ne viennent les engager. Donc, qu'est-ce que Warren Robinet a fait, pensez-vous? Bon, j'imagine qu'il n'était pas content de ne pas pouvoir signer ses jeux. Il a donc créé le premier Easter Egg inséré dans un jeu. Warren Robinet a donc glissé l'inscription verticale « Create by Warren Robinet » dans une salle du jeu qui pouvait être ouverte seulement qu'avec une clé qui mesurait un pixel. Donc, c'était dur à trouver. Moi, je vous l'avoue, je n'ai jamais trouvé cette pièce avec son nom quand je jouais il y a 35 ans. Je viens de l'apprendre en lisant l'histoire sur le jeu. Mais je vais le racheter bientôt et je vous promets de trouver cette chambre cachée. Promis, je vais honorer le travail de Sir Warren Robinet. En fait, c'est surtout que j'ai vraiment hâte de rejouer à ce jeu-là. Dans le wiki en anglais, le développeur Warren, il raconte toute l'histoire autour de ça. C'est ça qui est le fun à lire. Et ça dit « Robinet a gardé le secret pendant plus d'un an, même auprès de tous les employés d'Atari. Il n'était pas sûr de savoir si je serais découvert par d'autres membres du personnel d'Atari avant la publication de la cartouche de jeu. » Après la sortie du jeu, Adam Clayton, un jeune de 15 ans de Salt Lake City, a découvert la chambre secrète et a envoyé une lettre à Atari à ce sujet. Robinet, lui, il avait déjà quitté l'entreprise à ce stade, donc Atari, qui avait toujours aucune idée que cette chambre secrète existait dans le jeu, a demandé à des gens qui travaillaient pour eux de trouver le code qui était responsable de ça. Mais l'employé qui a trouvé ça, il a dit « Si je dois réparer, je n'effacerai pas le nom de Warren Robinet, puis je vais juste rajouter « Fix by Brad Stewart ». Donc, les développeurs ils ont refusé d'effacer le nom de Warren. Là, ils se tenaient entre eux autres. Donc, ce qu'on apprend aussi, c'est que le coût pour corriger ça, disons que Atari aurait voulu corriger et effacer le nom, le coût de création d'une puce mémoire là, avec le jeu corrigé coûtait dans ce temps-là 10 000 $ US au moment là, de la sortie du jeu, ce qui fait que ce changement était très coûteux pour Atari. Donc, Steve Wright, c'est ça qui est écrit, le directeur du développement logiciel de la division des consommateurs d'Atari, a donc plaidé pour conserver le message, estimant qu'il incitait plutôt les joueurs à le trouver et à jouer davantage à leur jeu. Puis il a suggéré que ceux-ci, il a suggéré à la compagnie de mettre de plus en plus d'easter eggs pour les joueurs dans les jeux futurs. Donc, Atari, à partir de ce moment-là, il a décidé de laisser le mécanisme d'accès dans le jeu de Warren, puis il a surnommé ces fonctionnalités-là cachées des Easter Eggs en disant qu'il en ajouterait plusieurs ou encore dans les jeux ultérieurs qu'il ferait. Ils en ont même fait, d'après ce que je lis, une politique officielle de la compagnie selon laquelle tous les futurs jeux devraient en inclure. Donc, vous savez maintenant l'origine des Easter Eggs dans les jeux, c'est parce qu'Atari ne voulait pas dévoiler le nom des développeurs qui travaillaient pour eux. C'est pas un beau secret du monde secret des secrets, ça. Hein? Bon, sur Internet, on trouve aussi une vidéo de Warren Robinet qui raconte l'histoire. Je vous l'ai résumé, mais de l'entendre lui-même la raconter, c'est encore mieux. C'est en anglais, c'est un petit 3 minutes, on va prendre le temps de l'écouter. Il raconte en gros que le jeu qu'il a fait, Adventure, il est basé sur un autre que lui avait pu aller essayer. Son coloc de l'époque travaillait au laboratoire d'intelligence artificielle de Stanford, puis il l'avait amené avec lui un jour pour lui montrer le jeu qui était tout en texte, un jeu où tu écris je prends l'épée, en tout cas en anglais. Là. Puis le jeu texte s'appelait Colossal Cave Adventure. C'est ce jeu-là qui a été la base de l'idée pour son jeu à lui qu'il fit pour Atari. Donc on l'écoute. My name is Warren Robinet. I was a video game designer at Atari when I was young. Designed a game called Adventure, which was the first action-adventure game. Programmers were allowed to conceive the video game, decide what it was about, and then they had to implement it. My housemate took me over to the Stanford Artificial Intelligence Lab where he worked, and I played this game. This game was great, it was amazing, and I played it for 3 hours one afternoon. It was called Adventure. But nowadays, people usually call it Colossal Cave Adventure. It was pure text. There's no graphics. You typed two-word commands on your keyboard. I wanted to make a game sort of like Colossal Cave that I'd played with sort of a Tolkien Dungeons and Dragons type of theme. And I decided I was going to do my next video game and make a network of rooms that had objects in them, where you could move from room to room, just like Colossal Cave. Except I had to do it with graphics and the joystick. I didn't get any public credit. I wasn't going to get any royalty. So they were completely screwing all of the game designers. Well, I was pissed. Worked on it till I thought it was ready and then handed it in. I didn't tell them that there was a little secret. They made 100,000 copies and shipped them all over the world. Dear Atari, I have the Atari TV games and the adventure game program, and I have found something strange. I went into the Black Castle. I went all over those rooms, and I found a dot in the following room. I went out of the kingdom as the arrow points. After I put two objects in the room, I came into a room which looks like this. It said, created by Warren Robinette. That was a pretty juicy secret to keep to myself. I quit right after I finished Adventure. I was pissed. This video game was already out there. It had sold a million copies already, and the word had gotten around fast. So, the new manager, the game designers, thought about it. It would have cost $10,000 to make any change to the program, so it was left in there. Steve Wright said, well, I don't know that this is bad to have hidden surprises. It's like waking up on Easter morning and searching for Easter eggs underneath the bushes and flowers. I called it my signature. I didn't call it an Easter egg. They had the power to keep my name off the box, but I had the power to put my name on the screen. Ils avaient le pouvoir d'enlever mon nom de la boîte, mais j'avais le pouvoir de mettre mon nom à l'écran. Et c'est ça qui est fait. Bon. Sinon, pour la liste des autres jeux bien vendus, je vous épargne la suite, je ne les connais pas, donc pas d'anecdotes sur ces autres jeux qui étaient dans les mieux vendus. Parlons plutôt du crash de 1983-84. C'est quoi ça? Oh! On en parle après une courte pause de nos commanditaires. De l'imagination d'Atari sont nés des jeux qui défient l'imagination des petits et des grands. Vous, les plus jeunes, avec les jeux éducatifs et les commandes spéciales pour vos petites mains, vous apprendrez à lire et à compter en vous amusant. Quant à vous les grands, sans oublier vos parents, vous ferez rugir le turbo de votre Formule 1 dans Pole Position. Vous irez aider Mickey qui ne sait plus où donner de la tête dans L'Apprenti Sorcier. Ou bien encore, vous défendrez la planète dans Galaxian. L'aventure sous toutes ses formes, c'est Atari qui vous l'offre à vous et à toute votre famille. Atari, les défis de l'imagination. Entrons dans les profondeurs de l'espace. Carte galactique, 7h11. Hyperespace. 10h. Les vaisseaux de guerre Zilon attaquent. Attention. Attention. Star Riders, quel fantastique jeu de vidéo. Star Raiders d'Atari, uniquement pour le système Atari. Atari, plus de 1500 jeux vidéo qui déchaînent les passions. Just last night, I was lost in the jungle with Pitfall Harry, surrounded by giant scorpions and man-eating crocodiles. Well, Harry and I just grabbed the van, swung through the trees and over the tar pits and found the jungle treasure. It was really neat. If you haven't met Pitfall Harry, you're missing the year's most incredible video game adventure. Pitfall for the Atari 2600 and Intellivision. Since I met Pitfall Harry, no other man will do. Pitfall, designed by David Crane for Activision. Savez-vous qui est le petit garçon qui présente le jeu Pitfall là, en 82 dans la dernière publicité qu'on vient d'entendre? Eh bien, c'est Jack Black. Eh oui, celui qui fait maintenant plein de bons films que j'aime. Eh bien, c'est lui qui, qui parlait dans cette publicité de Pitfall. Bon, c'est maintenant le temps de parler du crash ou de la crise de 1983-84 dans le monde des consoles. Bon, c'est quoi ça? Je l'ai appris moi en faisant les recherches sur Atari. Le crash du jeu vidéo de 1983 est une crise qui a frappé l'industrie naissance du jeu vidéo, principalement aux États-Unis. En 1983, l'Américain Atari, le leader mondial du marché, subit des pertes financières abyssales de jour en jour. De nombreux autres constructeurs de consoles de jeux vidéo et d'entreprises liées à cette activité ont dû ainsi déclarer faillite. Ce phénomène s'est étendu de la fin de 83 au début de 84 et n'a pris fin qu'à la sortie de Super Mario Bros. En 85, dynamisant ainsi les ventes de la NES. D'après ce que je lis, Atari, eux, y perdaient 1 million de dollars par jour dans les années 1980. Mais pourquoi? C'est quoi le crash? Eh bien, c'est que ça faisait des années que le secteur était en pleine expansion, le secteur des consoles. Puis il sortait plein de jeux, trop semblables les uns des autres, à quelques détails près. Puis le public, nous les jeunes joueurs, ben, qui avions en plus acheté E.T. l'extraterrestre à Noël, ben on s'est tanné, on n'a plus voulu acheter de jeux après cette fête à voir. Tantôt, je vous avais parlé de E.T. sans en dire plus sur le jeu. Pourquoi il avait été le pire des jeux? Eh bien, je vous en parle maintenant. Vu qu'il a contribué à cette crise qui a mené Atari à se scinder en deux, une section ordi et une section console de jeu qui a été vendue pour aider à stopper les pertes. Donc, en 1980, Atari, d'après ce que je lis, contrôlait 80% du secteur du jeu de console. C'est quand même beaucoup, là. C'est immense. Puis la société valait 2 milliards. Mais arrive E.T. E.T. téléphone maison. Oui. Et c'est pas E.T. qu'on veut retourner chez lui, mais le jeu d'Atari. Bon, on faisait quoi dans E.T. pour que ça soit si moche? De mémoire, on était toujours pogné dans un trou, une caverne avec notre maudit téléphone. Mais, je vais aller lire pour m'en souvenir. Donc, ça dit, ce jeu propose aux joueurs d'incarner E.T. à la recherche des trois éléments constituant l'émetteur. Ça, c'est le téléphone. Quand les pièces réparties aléatoirement dans des fossés sont acquises, E.T. peut appeler son vaisseau pour partir chez eux. Aussi, tu peux ramasser 9 bonbons Reese. Bon, c'est fun, il y a de la publicité dans les jeux. Quand tu les as, tu peux appeler Elliot qui lui vient t'aider. Donc, c'est juste ça le jeu. Ramasser des morceaux de bonbons ou de téléphone pour appeler puis sacrer ton camp. Le tout en étant toujours pogné dans le fond d'un trou. Il y a Steven Spielberg. Quand lui, on lui a présenté le projet du jeu, il n'était pas vraiment emballé. Il aurait demandé ceci au développeur avant d'accepter de céder ses droits pour une adaptation de ce film en jeu chez Atari. Il aurait dit « Ne pourriez-vous pas faire un jeu plus dans le style de Pac-Man? » Eh bien non, le jeune développeur, Howard Scott Washaw, il aurait répondu « Non. » Et vous, vous pensez que vous pourriez refaire E.T.? Pourriez-vous refaire à nouveau le même film? Donc, le développeur, il ne voulait pas refaire un Pac-Man à la sauce E.T. Lui, il voulait y aller avec son idée. Et ce qu'on apprend, c'est que le jeu a été développé en 5 semaines seulement. Oh, c'est quand même du rapide, là, 5 semaines. Puis, ils ont fait préparer 4 millions de cartouches du jeu, puis ils en ont vendu 1,5 dans le temps de Noël. C'est donc un succès commercial pour Atari. Mais je me souviens, moi, d'avoir joué, puis de m'être dit quasiment immédiatement pourquoi je suis toujours pogné dans ce trou noir. Bon, il y avait une explication à cette affaire de trou. Voici ce que je lis à ce sujet par rapport au fossé dans lequel E.T. était toujours pogné. Ils disent « On qualifie d'exaspérant le problème de jouabilité lorsque E.T. retombe parfois irrémédiablement dans les puits alors que le joueur tente pourtant de l'en faire sortir. » Donc, il y avait comme un bug avec le jeu qui faisait que tu étais toujours pogné dans les genres de puits, dans les genres de trous. Puis le pire, c'est que tu devais te rendre dans ces trous-là pour trouver les morceaux du téléphone qu'il fallait refaire. Puis quand on essayait de sortir du trou, eh bien, E.T. faisait comme s'élever dans les airs. Mais bon, c'était pas trop top, tu retombais tout le temps vu que c'était un peu buggé. Donc, c'est ça qui faisait qu'on passait notre temps à essayer de sortir des cavernes trou noir. Moi, je me souviens, la première journée que j'ai joué, j'ai souvenir d'un sentiment de tristesse dans mon cœur. Déjà dans les premiers jours, j'étais tanné d'essayer de sortir du trou. Eh bien, toute cette déception que nous avons vécue, nous, les jeunes joueurs des années 80, ben, ça a donné que, après la période des fêtes et les bonnes ventes du jeu, surprise, les ventes se sont écroulées. Et que va faire Atari avec les millions de cassettes du jeu qu'il a fait préparer? Parce qu'il en reste quand même 2,5 millions à vendre. Eh bien, il va les enterrer. Et oui, on tombe dans les secrets de secrets deep, deep, deep. Bon, il y a un article là-dessus. C'est vraiment le Golden Age des consoles. C'est une histoire quand même incroyable que j'ai lue sur cette belle époque. Ça dit « L'enfouissement de jeux vidéo par Atari est un événement qui s'est déroulé en septembre 83 dans une décharge située à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. » En 1983, l'entreprise du jeu vidéo Atari enfouit de nombreuses cartouches de jeux vidéo et des consoles de jeux invendues dans la décharge d'Alamogordo, à la suite de mauvais résultats commerciaux. Les causes de cette action sont essentiellement économiques. Il s'agit de réduire les stocks afin de bénéficier d'allègements fiscaux. Quand même, comme il y avait trop de consoles en stock puis de cartouches, plutôt que d'attendre que ça se vende, pour avoir un genre de rabais d'impôt, ils ont été les enterrer. Ouais. Selon la presse de l'époque, les jeux vidéo enfouis sont notamment E.T. l'extraterrestre et la version de Pac-Man qui était sortie aussi sur Atari 2600. C'est quand même triste pour Pac-Man. C'est bon, Pac-Man. Sitôt l'opération d'enfouissement rapportée par la presse, des doutes sont émis sur la véracité et sur l'étendue des faits. Certains considèrent pendant longtemps qu'il s'agit d'une légende urbaine. Cet événement devenu une sorte d'icône culturelle et un symbole du crash du jeu vidéo de 83 est le point d'orgue d'une année fiscale désastreuse pour Atari, finalement revendue en 1984 par sa société mère Warner Communications. Donc 84, c'est la fin de la division console chez Atari. Eh bien, savez-vous, c'était-tu vrai ou pas cette affaire d'enfouissement? Eh bien, on le sait maintenant, là, j'ai été voir, j'ai la réponse pour vous. Eh bien, c'était vrai. Il y avait même coulé une dalle de béton par-dessus le stock de cassettes et de consoles Atari qu'il avait enfoui pour empêcher des jeunes aillent déterrer ça dans le dépotoir, car il y avait aussi dans ce dépotoir-là des animaux morts qui étaient enterrés, donc ils ne voulaient pas que les jeunes se blessent ou attrapent des maladies en allant fouiller pour trouver des cassettes ou des consoles. Le 26 avril 2014, on sait ça parce que le 26 avril 2014, dans le cadre d'un documentaire, des centaines d'exemplaires du jeu vidéo E.T. l'extraterrestre ainsi que d'autres jeux d'Atari ont été déterrés dans le dépotoir d'Alamogordo. Cette découverte confirme ainsi un fait considéré jusqu'alors comme une légende. Donc, dans le cadre du documentaire, ils sont allés fouiller là, avec des pelles mécaniques, ils ont brisé le ciment, puis ils ont vraiment retrouvé du stock qui était enfoui. Puis ceux du reportage, suite à ça, ils ont mis en vente ces cartouches-là sur eBay et ils en ont vendu pour un total de 37 000 $. C'est évidemment, ils n'ont pas pu tout ramasser les cassettes qu'il y avait là, parce qu'il semble qu'il y en a, d'après ce que j'ai lu, qu'il y en avait d'enfoui à différentes hauteurs, mais ils en ont quand même retrouvé, pour le documentaire, 1178 qui ont sorti de la terre. Alors que l'estimé, c'est que Atari en aurait, selon certains dossiers, enterré 70 000. Donc, c'est environ 20 gros camions de cartouches qui ont été enterrés dans ce dépotoir-là. C'est quand même une belle histoire, puis il y a des belles photos à voir du documentaire. Là, c'est tout documenté sur Internet. On les voit sortir les cassettes du sol. C'est comme magique. Donc, pour conclure sur la crise de 1983-84, qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est quoi la cause de cette crise dans le monde des consoles? C'est pas juste à cause du flop d'E.T., là, c'est pas juste ça le problème. Atari, il perdait déjà 1 million de dollars par jour à ce moment-là. Non, le problème qui a mené à une crise et mené Atari à mettre la clé dans la porte, eh bien, c'est que plusieurs compagnies, pas juste Atari, nous ont vendu des jeux de merde. Et les magasins, pognés avec ça, eux, les renvoyaient aux compagnies qui n'avaient pas toujours les moyens de leur rembourser ou de les reprendre. Bon, puis quand les compagnies les reprenaient pas ou les repayaient pas ceux qui devaient les vendre, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait les magasins? Hein? Eh bien, ils se sont mis à plus les renvoyer aux fournisseurs, ils se sont mis à les solder. Ce qui a fait passer la valeur des jeux vendus à l'époque de $34.95, ça c'était la moyenne, en 82 pour un jeu de console, c'est passé de ce prix-là à $4.95 en solde. Mais pire encore, comme les jeux qui étaient à sortir n'étaient pas meilleurs que les jeux en solde, qu'est-ce que vous pensez que les gens ont fait? Eh bien, les gens, ils ne voulaient plus payer 35$ pour un jeu. Ils préféraient acheter un jeu en solde à 5$ qui, de toute façon, avait les mêmes qualités que les nouveaux. C'est ça, la crise de 1983-84. Dans la liste des mauvais jeux, outre E.T. Qui est l'emblème, il y a des jeux, il est l'emblème parce que le jeu de Spielberg est sorti en même temps puis il y a eu une grosse publicité. Mais outre ce jeu-là, il y a eu un jeu qui se nommait Chase de Chuck Wagon. Un jeu qui est en lien avec la bouffe chien Purina. Tu pouvais l'obtenir, ce jeu-là, par la poste si t'envoyais des preuves que t'avais acheté de la bouffe à chien Purina. Puis tu faisais quoi dans ce jeu-là? Eh bien, je viens de regarder le manuel et le screenplay. C'est un peu ridicule. C'est comme un labyrinthe pour enfants, là, vraiment facile. Tu vois immédiatement d'un coup d'œil où sortir, parce que juste le labyrinthe est affiché au complet à l'écran. Toi, t'es un chien qui est d'un côté de l'écran et tu dois sortir le chien du labyrinthe. Et lorsque tu l'amènes à la sortie, tu tombes dans le tableau de récompense. C'est un camion qui passe et qui laisse tomber un plat de bouffe à chien et que tu dois appuyer quand le plat arrive à hauteur de ta bouche. Tu dois appuyer sur le bouton rouge de la manette pour le manger. Et si tu réussis, eh bien, ça recommence après dans le labyrinthe. Mais là, ils ajoutent une genre de croquette à chien qui bouge un peu partout et que tu dois éviter avant de sortir de ce super facile labyrinthe. Voilà! Et maintenant, un autre jeu de merde, j'ai bien, il semble y en avoir beaucoup, j'en ai choisi un autre avant de terminer, c'est celui-là se nomme Journey Escaped. Journey Escape, c'est un jeu vidéo publié en 82 par Data Age sur Atari 2600. Il est présenté comme la première rencontre du monde du jeu vidéo avec l'univers du rock'n'roll. Il met en scène le groupe de musique Journey. Il s'agit d'un jeu d'action dans lequel le joueur incarne un roadie qui est chargé d'escorter les cinq membres du groupe à travers des hordes de groupies, de promoteurs cupides, d'agents et de paparazzi. La musique du jeu, elle, est une reprise de Don't Stop Believing, single de l'album Escape du groupe. On écoute la chanson pour le plaisir. Durant la petite pause musique, je viens aussi de lire qu'une autre des raisons de la crise des consoles, c'est la baisse des prix des premiers ordinateurs. Et oui, on est dans ce temps-là, l'arrivée des premiers ordinateurs personnels. Je peux lire qu'au printemps 82, il y a le TI-99-14 qui était vendu 349$, l'Atari 400 qui est un ordi 349$, le Color Computer de Radio Shack 379$, tandis que le Commodore venait de baisser le prix du VIC-20 à 199$ et celui du Commodore 64 à 499$. Comme les ordinateurs proposaient de meilleurs graphiques, meilleurs sons, ça n'a pas aidé le marché des consoles. Mais qu'est-ce qui est venu sauver le marché en 85? Je vous l'ai déjà dit plus tôt, car oui, il y a eu un sauveur, je l'ai mentionné en début d'émission, c'est le NES de Nintendo. Il est sorti en 83 au Japon, puis il est arrivé en 85 aux États-Unis avec Super Mario Bros. Et on connaît la suite et le succès de Nintendo. Mais la crise a quand même eu raison d'Atari. Bon, suite à la crise, Atari, comme je vous disais, n'a pas vraiment survécu. Je vous épargne les détails plates, mais surprise! Après avoir passé de main en main, où il y a eu des faillites, des dépôts de bilan pour la section console, Atari a été ressuscité grâce à un plan de remboursement. Je ne sais pas trop qui a fait quoi, qui a acheté les brevets de qui, puis la marque, mais Atari existe maintenant encore en 2023. Il semble qu'il y a eu, à un moment donné, des hôtels et des casinos Atari, mais là, Atari est de retour dans le monde des consoles. Atari y a annoncé une nouvelle console de rétro gaming, mais ça, ça fait un certain temps, qui reprend la dénomination utilisée 40 ans plus tôt. Ils ont appelé ça la Atari VCS. Ça, c'est la console que j'ai. C'est sorti au grand public en 2021 aux États-Unis. Puis, c'est quoi qu'ils disent là-dessus? Ils disent « Imaginez un appareil sur lequel on peut jouer à une centaine de jeux rétro et qui peut aussi servir d'ordi de bureau. » C'est ce que propose Atari avec le VCS, un gadget à l'allure calquée sur celle de l'Atari 2600-1977 qui a fait son entrée dans les magasins en 2021. Moi, je n'ai pas entendu parler. Je ne sais pas si ça a été bien populaire, mais ça semble être un genre de... comme Nintendo fait, là, qui ressort un genre de console avec tous les jeux dedans, puis c'est comme un émulateur. T'as juste à brancher ça sur la TV, puis t'as des jeux. Donc, ils ont fait ça Atari pour... ils ont fait ça en 2021. Mais la belle surprise ici, c'est que j'ai trouvé que sur le site d'Atari, eh bien, en 2023, ils viennent de sortir un nouveau jeu pour le Atari 2600. Et oui, ça se nomme Mr. Run and Jump. C'est vendu 59,99 US, que je ne peux pas acheter malheureusement. Il est vendu juste aux États-Unis. C'est quand même triste. Pourquoi j'ai pas le droit de l'acheter? Puis quand j'ai vu ça, je me suis mis à faire d'autres recherches. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sont récents, qui sont pour ma console? Eh bien, oui! J'ai lu qu'il y a deux programmeurs de l'époque d'Atari, David Crane et Gary Kitchen, qui ont fait plein de jeux ensemble à l'époque, comme Pitfall, le meilleur jeu. Eh bien, eux, ils sont repartis une compagnie ensemble, la compagnie Audacity Game. Puis en 2021, ils ont sorti leur premier jeu pour la console Atari 2600. C'est le jeu Circus Convoy, qui a l'air vraiment le fun. La cassette se vend 103$ canadiens avec les livraisons. Là. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est pas cher, là, mais nous, il faut payer le shipping, il faut payer la conversion en dollars US. J'ai fait le test de l'acheter, puis ça donne ce prix-là, 103 canadiens pour la version normale. Mais bon, j'ai abandonné à la fin. Là. Je me suis dit que c'était beaucoup d'argent pour un jeu que je vais jouer sur une console qui sent beaucoup trop le weed et qui peut me lâcher n'importe quand. Mais malgré que, écoute, la console a déjà... c'est une console de 82, ça veut dire 20 plus 20, ça a 40 ans. Si c'est pas mort en 40 ans, ça va vivre éternellement, cette console-là. Bon, je vais peut-être me l'offrir à Noël comme cadeau, je vais voir. En fait, la vérité, c'est que je veux acheter Pitfall avant. Je veux avoir Pitfall avant d'acheter d'autres affaires. J'ai vu que je pouvais avoir Pitfall pour pas trop cher sur Internet. Si je fais le tour des marchés aux puces, bon, je peux probablement l'avoir pour une dizaine de piastres. Puis avec 100 piastres, je peux probablement acheter 20 vieux jeux Atari. Donc, même si j'aimerais bien avoir Circus Convoy, pour 100 piastres, ben, c'est un peu cher. Bon, cette compagnie-là, elle sort aussi un autre jeu cette année. On peut le précommander. KC Gold, qui ressemble un peu à l'autre qu'ils ont fait. J'ai regardé les deux pochettes. Sur l'un, tu as l'air de sauter sur un convoi de camion. Puis sur l'autre, au lieu des convois de camion, c'est un train. Tu sautes sur les wagons. Est-ce que c'est pas un peu trop semblable? C'est pas ça qui a mené au crash de 83? Non. Des jeux qui se ressemblent? Ben attention, les gars, là. Malgré que j'ai l'impression qu'ils font ça pour le plaisir, je suis allé voir l'âge des deux développeurs. Il y en a un qui a 70 ans, puis l'autre a 67. Donc, rendu là, j'ai l'impression qu'ils font juste ça pour se divertir. Et maintenant que j'ai vu leur âge, j'ai confiance que les deux jeux, ils doivent être bons. Je vais m'acheter... m'acheterai ça pour Noël. Bon, entre-temps, pendant que je suis allé voir, eh bien, je me suis commandé Pitfall et Donkey Kong. Les deux pour 15$ chacun, shipping inclus sur eBay. Bon, donc ça vient de me coûter 30$ pour avoir Pitfall et Donkey Kong. Le meilleur jeu, puis l'autre Donkey Kong, ben c'est un beau souvenir. Mais bon, j'ai déjà hâte de rejouer à Pitfall, parce que Pitfall, ce qu'il y a de fun, c'est qu'il y a une musique tout le long, puis évidemment, c'est le fun. Ça arrive dans 3 jours, donc je devrais les avoir peut-être pour le week-end, si je suis chanceux. Maintenant, petite pause musicale. Et à la fin, ben, je vous parlerai en finale de mes jeux. C'est bien beau de parler de l'histoire de la console, mais il faut parler des jeux aussi. Puis à quoi on peut s'attendre au niveau des jeux. Si, tout comme moi, ben, vous décidez de faire un investissement de 100$ pour une console Atari 2100, qu'est-ce que vous devez vous attendre pouvoir jouer sur cette console-là. On en parle après la pause musicale. Puis j'ai revalidé, j'ai quand même payé. Il y a des consoles qui sont un peu moins chères. Il y en a des Atari 2100 à 80$ sur Marketplace en ce moment. Moi, c'est parce qu'il y avait quand même beaucoup de jeux. Bon. Et voilà, on part à la pause et au retour, je vous parle de mes jeux. On voudrait que ça gronde sans agiter ses ailes. Voici le nouveau monde des combattants virtuels. Welcome sur le forum de révolution.com. De l'action par email, des pavés en pixels. La souris se déplace et se bouge à ta place. Survivre de la sueur, il en faut pour rester. faire. Survivre, c'est violent, tu passes vite à l'arrière. Alors, est-ce que nos rêves sont sortis du décor? Est-ce que nos rêves sont trop grands? Dans le Lobster 182-22-3-6 et le 2 pour le complémentaire. Non, c'est, je crois, le Lobster 130-135. Ah oui, on va dire 135. Bon, avant de parler de mes jeux, petite anecdote que je trouvais intéressante. À l'époque, Atari, il rémunérait pas ses développeurs proportionnellement au succès des jeux. Maintenant, c'est un peu ça là, dans le monde du jeu. Rick Maurer, le programmeur de la version Atari 2100 de Space Invader, lui a reçu 11 000 $ pour son travail pour le jeu, alors que le jeu a procuré plus de 100 millions de $ en retombées pour Atari. Et qu'est-ce que ça a eu ça comme conséquence, le fait qu'Atari ne paye pas bien ses développeurs? Eh bien, ça a mené à la création de la compagnie Activision. Eh oui, qui a été créé par 4 des concepteurs-développeurs de jeux chez Atari. Ces 4 personnes-là, qui à eux seuls, là, ils avaient créé la moitié des jeux chez Atari, ils se sont dit qu'ils étaient assez tannés de se laisser avoir par Atari, là, qu'Atari fasse de l'argent sur leur dos. Puis ils ont parti leur propre compagnie, où ils faisaient les choses différemment, puis ils donnaient les crédits, évidemment, à ceux qui faisaient le jeu, puis les gens avaient le droit d'écrire... leur nom dans les crédits du jeu. Je trouvais ça le fun quand même d'en parler, car on connaît Activision là, à notre époque. Ce sont eux qui sont derrière Guitar Hero. Puis Activision avait aussi mergé avec Blizzard, bon, qui nous ont donné évidemment Warcraft puis Diablo, avant d'être rachetés là, par Microsoft. Donc ça fait partie quand même de l'histoire. Donc, c'est ça. En faisant mes recherches sur Atari, je me suis rendu compte qu'ils sont quand même à l'origine un déclencheur de beaucoup de choses qui ont pris une certaine place dans ma vie informatique. Je regardais aussi l'histoire des différentes générations de consoles et je vois que je suis embarqué quand même dans le bateau assez tôt. Moi, je suis embarqué à partir de la génération 2 des consoles. La première génération, ça ne me dit rien, ça s'appelle Magnavox Odyssey. Là, tantôt, je n'ai parlé quand je listais les consoles qui étaient chères, je pense que c'était la 10e. Mais moi, ça ne me dit rien. Mais par la suite, j'ai possédé ou j'ai joué à tous ceux des autres générations. Dans la deuxième génération, elle, ça comprend l'Atari que j'avais. Puis mes voisins, eux, avaient un ColecoVision. Donc, on jouait aux deux en alternance. Puis ce que j'ai appris là, en faisant mes recherches, puis que je ne savais pas, ben moi, j'étais jaloux de mes amis voisins, car eux, sur leur Coleco, il y avait le jeu Dig Dug. Moi, j'adorais jouer à ce jeu-là, mais bon, fallait que j'aille jouer chez mes amis. Mais ce que je ne savais pas, c'est que je pouvais l'avoir aussi sur l'Atari. Quand j'ai regardé mes 14 jeux là, dans ma boîte puante, il était là. Donc, avoir su à l'époque, plutôt que d'avoir acheté E.T., probablement que j'aurais convergé sur Dig Dug. Ensuite, troisième génération des consoles, on parle du NES puis du Sega. Bon, moi j'ai encore ma vieille console Nintendo, là, la première. Puis Sega, j'ai jamais eu aucune de leurs consoles, mais c'est eux qui faisaient beaucoup des jeux d'arcade. Donc, j'ai joué à plein de leurs jeux. Puis dans mon temps, quand j'allais au secondaire, à l'école La Fontaine, j'allais très souvent à l'arcade le midi sur la rue Racine à Chicoutimi. L'école La Fontaine n'était pas trop loin des arcades. J'avais le temps d'y aller sur l'heure de lunch. On avait deux arcades. On avait Amusement 2000 dans le bas de la côte sur la rue Racine. Puis en haut de la côte, je me souviens pas du nom, la porte de l'arcade était direct à côté de la porte de la bibliothèque qui était sur la rue Racine à cette époque. Puis cette arcade, ça me choque, j'ai oublié le nom. Faudrait que j'aille voir ma collection de monnaie. J'ai encore des jetons, oui. Puis le nom, il était sur les jetons. Ah oui, c'est Amusabec. Oui, il me semble que c'est ça, ça finissait par Bec. Amusabec. Donc, Amusabec, eux, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'il y avait souvent une promotion, 8 jetons pour une pièce. Donc, ça valait la peine de remplir les poches durant la promotion. Au lieu d'avoir, pour une pièce, d'en avoir 4, ben, tu doublais là, ton nombre de jetons. Mais, malgré le spécial, j'allais moins souvent chez Amusabec. La place était plus petite, puis les machines qu'il y avait, c'était un petit peu moins celles que j'aimais. Les meilleures étaient à l'autre arcade. Dans ce temps-là, c'était le temps de quoi? C'était le temps des jeux comme Gauntlet, où on pouvait jouer à 4 en même temps. Là, moi, j'aimais bien jouer la Valkyrie là, qui tire ses flèches. Puis dans ce temps-là, pour 25 cents, si le jeu à l'intérieur n'était pas seté sur difficile, je vous dis, là, on jouait vraiment longtemps. Parce qu'on le savait, là, quand l'arcade voulait faire plus d'argent, il pouvait changer, comme sur nos consoles, le mode à difficile. Puis dans ce temps-là, là, on voyait qu'on t'a fait bien moins longtemps. Il y avait aussi dans ce temps-là le jeu bien connu, là, Ghost and Goblin, là, les zombies qui sortent du sol, puis toi, tu peux trouver des armures, tu peux trouver des affaires à tirer. Fallait tuer les fameux zombies. Mais ce jeu-là, il était quand même un des difficiles. On se rendait jamais loin. C'est juste quand j'ai joué sur l'émulateur ou sur une console que j'ai achetée qui l'avait. Que j'ai réussi à me rendre beaucoup plus loin, là, mais là, à ce moment-là, je pouvais sauver. C'était ça la différence, parce qu'originalement, on ne pouvait pas avoir de save sur ce jeu-là. Sinon, il y avait aussi le jeu bien populaire Double Dragon, là, on jouait à deux. Ce qui était le fun, c'était pogner le bat de baseball pour frapper, là, ça donnait des gros coups. C'était vraiment bien. On pognait le bat, hein, puis après ça, quand on arrivait plus loin, ben on mourait souvent sur le pont. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Là. Il y avait un pont à un moment donné, puis c'est en essayant de sauter, on tombait souvent dans l'eau. Sinon, il y avait aussi le jeu de course OutRun. Ça, c'était un beau jeu de voiture. Il y avait de la belle musique. On avait le choix. À un moment donné, on pouvait choisir le chemin qu'on voulait. Il fallait juste choisir si on tournait à droite ou à gauche, mais là, ça, tout dépendant du chemin qu'on prenait, ben là, le tableau était différent. Puis, c'est dans le jeu-là qu'on pouvait avoir des extensions de temps. Si t'étais bon, puis que t'arrivais à te rendre à la fin de la première section, ben t'avais une extension, disons, de 30 secondes, 20 secondes. Puis c'est ça. Sinon, jeu bien populaire, bien connu, Street Fighter. Bon, quand on arrivait à faire des boules de feu ou les passes spéciales, on se trouvait bon. Puis ce jeu-là, je me souviens, il y avait des codes décrits direct sur la machine dans le côté pour pas qu'on les oublie ou pour les passer aux autres, là, pour savoir les moves spéciales. Ben, c'était ça. C'était écrit sur la machine directement. Puis évidemment, il y a un jeu dont j'oublie le nom. C'est un peu comme la chanson des chats que je cherche. C'est un jeu qui était médiéval avec des armes cachées partout. Je me rappelle quand on commençait, je pense qu'on tombait du ciel. Le ciel était bleu et blanc. Puis là, on était comme dans les airs. Fallait descendre, descendre. Quand on cognait dans les murs, on découvrait des nouvelles armes. On continuait à tuer des monstres, tuer des monstres. On était tellement rendu bon à ce jeu-là. Il était le fun. Puis on jouait longtemps pour 25 cents. Puis bon. Pour jouer, vu qu'on jouait longtemps ce jeu-là, il fallait arriver tôt à l'arcade. Si t'arrivais un petit peu tard, puis que quelqu'un qui était bon avait pris le jeu, ben tu jouais pas ce midi-là, parce qu'on jouait trop longtemps avec 25 cents. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait la personne qui jouait, puis on apprenait les trucs de cette façon-là. C'était quasiment aussi le fun. Bon, mais j'aimerais bien sûr retrouver le nom de ce jeu, si vous le savez. Vous pouvez m'écrire, j'ai jamais retrouvé. You know. Bon. Je me suis égaré un petit peu dans la nostalgie. Avec tout ça, ben, on s'est perdu dans le traboulidon. J'en étais rendu à vous parler de quoi? Oui, à vous parler des jeux que j'ai eus, moi, avec ma console. Je commence tout de suite avec les meilleurs. Mon premier, c'est SeaQuest. C'est mon favori du moment. C'est pas compliqué. T'es un sous-marin bleu. Tu dois récupérer des plongeurs qui apparaissent de temps en temps. Les plongeurs sont toujours suivis par trois poissons, un poisson. Qui, évidemment, si tu touches au poisson, t'es mort. Le but, au moins sur ton petit sous-marin, t'as une arme, tu peux tirer et tuer ces poissons-là. Et il y a une autre sorte, outre les poissons, il y a des genres de petits sous-marins format tank qui, eux, sillonnent aussi l'eau. Puis eux, ils ont la possibilité, comme nous, de tirer. Quoi d'autre? Aussi, on a une quantité d'air qui est limitée, donc quand tu vois que ta barre d'air est basse, ça se met à clignoter et faire du bruit, il faut que tu remontes en haut. Mais la particularité, c'est qu'à chaque fois que tu fais ça, que tu vas reprendre de l'air, ça t'enlève un de tes plongeurs que tu as récupéré. Si tu n'en as pas récupéré à ce moment-là, si tu n'as pas été assez bon, ben tu perds une vie. Mais si tu étais à 5, ben tu tombes à 4. Le but, c'est d'avoir 6 plongeurs. Quand tu as 6 plongeurs, les monstres que tu tues, les poissons et les autres sous-marins, valent 10 points de plus à ce moment-là, jusqu'à un maximum de 90 points. Donc, l'objectif, c'est de ramasser au plus sacrant les 6 plongeurs plusieurs fois pour te rendre à 90 points, puis après ça, tu te mets à tuer, puis à continuer de ramasser des plongeurs parce que à chaque fois que tu les remontes, les 6, ben, chacun te donne 50 points, 100 points la deuxième fois, 150, et etc. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné aussi, durant le podcast, j'avais dit que je vous dirais pourquoi j'aime les jeux dans ces vieilles consoles comme ça. Eh bien, c'est simple. Première réponse, première chose qui fait que j'adore jouer sur une console vintage comme ça, c'est rapide. Eh bien, pour démarrer la console, c'est 0.5 secondes. Je ne l'ai pas calculé, là, mais c'est de monter le bouton, puis la console est partie, puis elle est fonctionnelle. Tu montes le bouton, puis tu peux jouer une seconde après. Ensuite, ben, les jeux, ils sont pas si complexes. Le but, souvent, de ces jeux-là, c'est de faire des points. Donc, c'est souvent de quoi de répétitif qui revient, puis tu peux finir par connaître le pattern, connaître aussi comment le jeu est développé, comme dans SeaQuest. Disons que tu as manqué ton plongeur, qui est rendu trop loin, tu peux te passer par en arrière, tuer les poissons qui le suivent, et là, quand tu as tué les poissons, le plongeur, si tu as tué tous les plongeurs qui suivent le plongeur, ben le plongeur, il revient d'abord, il revient chez toi. Donc, à la longue, tu finis par connaître toutes les astuces de ce jeu-là, puis c'est ce qui te permet d'être bon. Puis la dernière chose, eh bien, qui fait que c'est quand même le fun, c'est qu'il n'y a pas de save game dans ces jeux-là. Donc, à chaque partie, tu es obligé de donner ton meilleur. Comme dans le jeu Adventure que je vous parle, que je vous ai parlé, qui est un jeu de labyrinthe, de château, puis tout ça, ben on joue longtemps, mais faut que tu te donnes à chaque fois. Parce que si après 20 minutes, tu meurs, tu repars de zéro. Fait que c'est ça. Chaque partie Tu dois donner ton meilleur. C'est ça, en gros. Ensuite, encore, dans les jeux que j'ai quoi? J'ai eu Duck Dog, je vous disais, dans la boîte. Bon, Duck Dog, c'est quoi? T'es comme un petit bonhomme habillé en habit de l'espace qui creuse. Tu creuses, tu tues des monstres. Mais ha ha ha! Si tu veux faire des points, c'est pas vraiment ça que tu dois faire en premier. Quand tu arrives dans le tableau, tu dois aller faire s'écrouler deux roches en passant dessous. Donc, dans le jeu, il y a 3 ou 4 roches qui sont situées un peu aléatoirement. Puis en passant en dessous des roches, la roche elle tombe, puis elle peut écraser le monstre qui te suit ou un monstre qui serait verticalement dans un puits sous la roche. Puis une fois que tu as fait ça, tu as fait tomber deux roches, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un légume qui apparaît dans le milieu du tableau. Puis le légume, il vaut beaucoup de points, donc c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher avant de finir le tableau. Puis c'est ainsi de suite. Quand tu commences au début, c'est la carotte, puis après ça, ça se poursuit, c'est d'autres légumes. Plus tu montes en niveau, plus ça change de légume et plus c'est payant. Bref, il ne faut pas juste tuer les monstres, c'est les légumes qui donnent des points. Donc, c'est quelque chose que tu dois connaître pour ce jeu-là. Ensuite, un autre jeu que j'ai, troisième jeu, qui s'appelle Stampede. Lui, bon, je l'apprivoise encore. Tu es un gars sur un cheval, puis tu peux bouger ton cheval, mais juste de haut en bas de l'écran. Toi, tu es situé à gauche de l'écran, tu montes en haut en bas. Et devant toi, il y a des choses qui s'en viennent. Il y a comme des veaux que tu dois attraper. Puis toi, sur ton cheval, tu tires avec ton lasso. Chaque fois que ton lasso touche un veau, il est considéré comme attrapé. Mais, bon, il y a aussi des veaux qui sont immobiles. Puis ceux-là, il faut que tu te dépêches parce que l'écran, il bouge vite. Puis si tu les ramasses pas avec ton lasso, ben tu perds une vie. Dès que tu en as laissé passer trois, t'es éliminé du jeu. Donc, ça fait des parties qui sont quand même assez rapides. Mais là, bon, je trouvais que c'était beaucoup trop rapide de jouer 30 secondes, puis ça marchait pas, c'était fini. Donc, je suis allé lire le manuel. C'est important, là, comme je vous disais, pour ces jeux-là, d'aller lire le manuel. Et là, il y a une technique, c'est que les veaux qui courent, on n'est pas capable de toutes les attraper au lasso, il y en a trop. Donc le truc, c'est de foncer dedans. Une fois que tu le touches avec ton cheval, ils repartent à courir en avant, puis tu n'es pas obligé de les attraper. C'est sûr, tu n'as pas de points, mais au moins ils n'ont pas passé derrière toi, tu n'as pas perdu de vie. Puis quand je vous disais, les noirs, il faut les attraper, eux, ils sont immobiles, tu ne peux pas les toucher pour qu'ils repartent. Si tu les attrapes pas, ben c'est too bad, tu perds une vie. Donc, les noirs, c'est essentiel, tu les attrapes. Puis les autres, tu peux juste toucher, puis ils repartent. Donc, ce jeu-là, je suis encore en train de l'apprivoiser, je suis pas très bon. Un autre jeu que j'ai, qui lui est dans les bons que j'ai, c'est Frogger. C'est le fameux jeu de la grenouille qui doit traverser la route puis l'étang. Bon, c'est un jeu qui est dynamique puis vraiment divertissant. Il y a plein de twists dans le jeu. Tu sais, j'avais pas réalisé ça avant hier. Bon. Première chose, faut pas passer trop proche du derrière des autos dans mon jeu. Si tu passes trop proche, tu meurs. Ça, c'est un détail important. Tu peux aussi, quand tu arrives dans l'étang, ben, la première section, c'est les voitures. Une fois que tu as passé ça, tu es sur le bord de l'eau. Eh bien, tu peux sauter dans l'eau, mais entre des tortues rouges. Il y a des tortues rouges qui passent. Puis ils ont des espaces entre eux qui est de l'eau, donc même si tu touches à l'eau entre les tortues, tu meurs pas, ça c'est un détail. Il y a des tortues bleues qui passent, c'est la même chose, tu peux sauter dans l'eau entre eux ou sur eux, mais attention, ce sont des tortues qui plongent, donc à un moment donné, si tu restes sur ces tortues-là, ils se mettent à clignoter puis ils disparaissent, puis à ce moment-là, tu te retrouves juste dans l'eau et tu meurs, donc tu perds une vie. Aussi, il y a Lady Frog qui vaut beaucoup de points. Lady Frog, c'est quoi? C'est une grenouille qu'on voit de temps en temps sur un nénuphar. Bon, je dis nénuphar, mais techniquement, c'est un ramassé de pixels en rond de couleur verte. Là. Puis dans ma tête, c'est un nénuphar, mais à l'écran, c'est une tache verte. OK? Ensuite, il y a aussi les alligators, puis les serpents. Les alligators, eux, parfois, il y a des alligators qui passent. Tu peux lui sauter dessus pour te transporter puis continuer à monter. C'est juste que tu ne peux pas lui sauter sur la bouche quand elle est ouverte. Puis aussi, les alligators, parfois, leur tête apparaît dans la zone où tu dois amener ta grenouille. Parce que le but, c'est de passer les autos, passer les temps, puis d'aller stationner ta grenouille dans un des 4 ou 5 emplacements du haut. Mais parfois, il faut faire attention, ils te mettent une tête d'alligator qui apparaît juste au moment où tu vas aller te parquer là, dans l'eau. Puis si tu touches à l'alligator, évidemment, t'es mort. Puis dernière chose, ben, saviez-vous que vous avez juste 30 secondes pour traverser? Eh oui, il y a une barre de temps dans le bas, en noir, puis si tu prends plus que 30 secondes pour traverser puis stationner ta grenouille, bien, tu perds une vie. Un autre jeu, c'est le jeu Space Invader, mais lui, j'en ai déjà parlé. C'est le jeu là, avec les 120 modes que je vous parlais tantôt, qui joue à 1, à 2, avec plein d'options. C'est le fun, mais je vous en parle pas vu que je l'ai déjà fait. Ensuite, Sky Jinx, lui aussi, j'en ai parlé. C'est le jeu de l'avion qui doit passer à droite ou à gauche des pylônes de couleur. Il faut éviter les obstacles. Il y a des fois, il y a des ballons montgolfières qui passent. Il y a des arbres. C'est un jeu qui est quand même bien. On peut choisir des courses à 25, 50, 79 et 99 pylônes. Et il semble aussi avoir un mode illimité. Maintenant, je dois vous parler d'un jeu avec une complexité extrême que j'ai, qui s'appelle Space Attack. C'est un jeu de combat dans l'espace. Au départ, tu es comme en mode radar, comme dans Battlestar Galactica, un peu là, le radar vert. Là. L'ennemi, sur ce radar-là, il possède 6 escouades de vaisseaux qu'il envoie pour détruire ton vaisseau. Il les envoie par bloc de 3 escouades à la fois. Puis nous, on a 3 escouades qu'on doit envoyer pour défendre le milieu de l'écran. Donc, quand tu vois les escouades apparaître, tu dois envoyer tes escouades. Tu peux envoyer 3 sur la même, puis ensuite les envoyer ailleurs ou disperser tes escouades. Tu fais comme tu veux. Puis le but, c'est de tuer les escouades des autres avant qu'ils arrivent sur notre vaisseau. Mais là, on est en mode radar. Donc, c'est compliqué. Pour contrôler ça, c'est incroyablement difficile. Faut lire le manuel. Si tu mets la manette à droite et appuies sur le bouton, ça envoie ton escadron bleu. Puis pour sélectionner sur qui l'envoyer, il faut donner des coups de joystick vers le bas pour comme les mettre en surbrillance. Ensuite, quand ton escadron y est rendu sur l'autre, tu dois le resélectionner. Le bleu, par exemple, c'est un coup à droite. Ton escadron gold, lui, c'est un coup à gauche. Puis le blanc, c'est un coup vers le haut. Puis là, si tu donnes le bon coup dans le bon sens, au bon moment, ça déclenche une attaque. Là, c'est là que ça devient encore plus difficile. Déjà que l'écran du radar, j'avais de la misère à m'en sortir. Là, tu arrives dans de quoi qui est encore plus compliqué. C'est comme le mode tir. C'est comme si tu faisais du tir au pigeon. Mais toi, ta base, c'est c'est la mire du tir au pigeon. Les ennemis, eux, ils sont là par groupe de 1, 2, 3, parfois à l'écran, ils apparaissent. Puis si eux, ils tirent sur ton viseur, tu perds une vie. Tu perds comme un de tes escadrons. Puis toi, tu dois tirer sur eux, évidemment, pour les détruire. Nous, on a 3 escadrons de 10 vaisseaux. Donc, à chaque fois qu'on rentre dans le mode attaque, on a 10 vies, donc 10 vaisseaux, c'est un escadron. Puis eux, c'est ça. Puis donc, on a 3 fois 10 vies, puis eux, faut tuer leurs 6 escadrons de 10 vaisseaux. Donc, on a comme 30 vies, nous, puis eux, ils en ont 60 à nous opposer. Puis, ce qui est difficile en mode combat, c'est que faut que tu anticipes le tir versus où ils vont être quand le tir va arriver. Okay? Donc, quand nous, on tire, il y a comme un délai avant que la balle arrive, puis le vaisseau bouge dans ce temps-là. Fait qu'il faut toujours anticiper, puis les vaisseaux, ils vont je n'ai pas encore trouvé le pattern, ils vont un peu n'importe où. Donc, pour l'instant, c'est impossible de faire ce jeu-là. J'ai même pas réussi encore une fois à détruire un escadron de 10. Le défi est vraiment là dans le jeu. C'est vraiment le fun. Bon. Ça fait pas mal le tour de jeu-là. Et ça me permet de vous dire que, bon, c'est une particularité de ces jeux-là. Il n'y a pas de save game. Donc, pas de pitié. Si t'es pas bon, tu meurs. Puis si t'es bon, ben, tu joues. c'est ça la beauté de ces vieux jeux. Bon. C'est ça, il nous donnait pas de chance. Même pour le premier Mario Bros, là, si on parle de la NES, là, ben c'était quand même difficile. C'est sûr qu'on pouvait sauver puis t'avais plus de vie. Attends, on pouvait-tu sauver? Ah oui, on partait au début du tableau. Mais c'était quand même difficile. C'est sûr, quand tu savais le truc des vies, là, ça te donnait une bonne chance. Puis, mais c'est quand même pas tout le monde là, qui arrivait à le finir. Moi, je me souviens que j'ai crié la première fois que j'ai réussi, là, quand j'ai tué Bowser pour la première fois. Mais ça a été long, là, juste de savoir le bon chemin au dernier tableau dans le 8-4. Là, j'ai été là longtemps là, avant de savoir, parce qu'il avait, fallait aller dans il y avait un sens à suivre, là, sinon ça marchait pas. Je sais pas si c'est qui me l'avait dit, si je l'avais lu ou... C'est probablement mon ami Martin, parce que Martin, bon, je le dis souvent, là, c'était le champion à Chicoutimi. Il avait participé à un concours Nintendo là, du plus haut score, puis il avait gagné. Il avait sa photo dans le quotidien, puis sa maman l'avait encadré dans leur chambre d'ordi. Puis à chaque fois que j'y allais, ben je pouvais voir cette belle photo de Martin. C'est un beau souvenir. Bon, je vais terminer ici avec un dernier jeu. Ouais, c'est le jeu, semble-t-il, qu'il donnait en achetant la console. Je l'ai dans ma boîte puante. C'est le jeu qui s'appelle Combat. Eh bien, vous savez quoi? Ce jeu-là, il ne me dit rien pourtant. Si j'avais acheté la console là, dans les années 80, ben, il me le donnait. Donc, je l'avais, ce jeu-là. Mais quand j'ai rejoué, j'ai compris pourquoi ce jeu, il ne me disait rien quand je l'ai réessayé. À la base, bon, il y a trois jeux dans cette cassette-là, là, des jeux de tank, d'avion, puis de jet. Comme des avions anciens, puis des jets récents. Tu les choisis avec Game Select, là, l'affaire des modes là, que je vous parlais. Donc, en sélectionnant les différents modes, tu as accès à trois jeux qui sont différents. Mais ce qui fait que j'ai jamais joué à ce jeu-là, c'est qu'il y a une particularité vraiment spéciale qui fait que je comprends pas trop pourquoi il le donnait avec cette console. Eh bien, la particularité, c'est que c'est un jeu qui se joue seulement à deux. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? Si t'es tout seul chez vous, ben, pis que t'as juste cette cassette-là, tu fais quoi? Tu peux pas jouer! Moi, mon frère, on a 7 ans de différence, là. Il était plus jeune que moi. J'aurais pas pu lui donner la manette 2, mais il devait avoir 5 ans au moment où j'ai eu la console. Il aurait juste mâchouillé ma manette, là. Ce qui aurait été, bon, pas mal le fun pour lui, mais plate pour moi. Ouais, ce qui me fait penser, bon, c'est un autre petit détail que je peux rajouter. Les manettes de l'Atari, bon, il y avait une particularité. Je sais pas, je vous l'ai dit, oui, la manette, c'est juste un bâton noir recouvert de plastique noir qui tient là, sur un carré de plastique noir avec le bouton rouge pour tirer. Puis l'affaire noire qui recouvre le joystick, là, en plastique, c'est en plastique, un gros plastique épais. Puis il y avait la particularité de ne pas être solide, puis bien fixé. Mais en fait, le plastique, lui, il est solide, mais c'est mal fixé sur la manette. Puis ces manettes-là, comme je vous ai dit, ils donnent mal aux jointures, sont fatigantes à opérer. Eh bien, moi, sur mes deux manettes que j'avais dans le temps, les deux s'étaient défaits. Tu sais, on pouvait tirer sur le plastique, puis en dessous, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un petit bâton blanc en plastique vide. Le bâton était vide dans l'intérieur. Tu pouvais essayer de jouer avec ça, mais c'était impossible, là. Il fallait absolument que le plastique soit par-dessus. Puis qu'est-ce qu'on faisait pour le réparer? Ben, c'était assez simple. La solution simple, c'était de mettre un petit peu de colle, puis de le recoller. Et voilà! Quand j'ai été chercher ma console hier chez Weedmaster, en arrivant à la maison, c'est la première chose que j'ai vérifiée. Lui, il m'avait mis 5 manettes dans la boîte. Il y a 3 des manettes originales d'Atari. Puis il y en a 2 autres spéciales. Puis sur les 3, il y en a une qui avait le plastique lousse puis que je pouvais retirer. Donc, j'étais quand même content de voir que lui aussi avait eu le même problème que moi. Bon, puis les 2 autres manettes, c'est quoi? Ben, dans la boîte, j'avais 2 manettes différentes. Il y en a une qui c'est une grosse manette, comme une manette récente de tir. Donc j'imagine qu'à un moment donné, ils ont fait ça pour la console. Je l'aime pas trop, elle est grosse, mais je dois dire qu'elle marche bien. Mais bon, nostalgiquement, je préfère jouer avec la manette d'origine. L'autre manette que j'ai eue, c'est une manette, c'est écrit Gemini dessus. Bon, je vous en ai parlé, mais à l'époque, Coleco, compétiteur d'Atari, je vous l'ai pas dit, mais il y avait sorti un module d'expansion qui permettait de mettre les cassettes d'Atari dans le Coleco. Ça, c'était pas gentil. Atari était pas content. Donc, qu'est-ce que Atari ont fait? Atari, ils ont poursuivi Coleco pour contrefaçon de brevet. Puis finalement, bon, Coleco, ils voulaient pas s'en aller en cours avec ça. Il y a eu une entente hors cours, puis Coleco, ils ont obtenu une licence d'Atari pour avoir le droit de faire ça. Donc, Coleco avait le droit de faire son genre d'adaptateur qui permettait de mettre des consoles, des cartouches Atari dans son Coleco. Puis suite à ça, ils se sont mis à produire un Coleco Gemini qui, lui, acceptait de base, là, sans avoir été obligé de rajouter un morceau, le Coleco Jiminy, qui était, j'imagine, la deuxième version, acceptait les deux consoles, les consoles Coleco puis les consoles Atari 2600. Puis la différence entre les deux consoles, ben, c'était la manette. Pour le Coleco Jiminy, la manette, ben, là que j'ai eu dans la boîte, c'est un genre de rectangle long. Il y a un petit bâton joystick sur le dessus. Puis à l'autre bout, c'est une rondelle qui tourne. Moi, j'ai aucun jeu qui joue en tournant une rondelle, mais j'imagine que sur Coleco, ça servait à quelque chose. Puis ce petit rectangle-là, avec la rondelle et le joystick sur le dessus, a un bouton sur le côté, mais comme elle est longue, je trouve qu'elle ne se tient pas bien en main. Et voilà! Puis semble-t-il, ils ont tout rendu compatible. La manette du Coleco fonctionne très bien sur l'Atari. Là, j'ai essayé de jouer avec, ça marche. Et voilà! Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Je pense que je me suis perdu encore une fois dans les traboules. Toujours, on revient toujours au traboulidon. Oui, je parlais au départ du jeu combat. Ce fameux jeu, bon, qui donnait avec la console, mais qui se joue juste à deux, c'est pas une... Je comprends pas. C'est... Quelle mauvaise idée. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est plate. Tu payes 200$, t'achètes une console qui vient avec un jeu, t'arrives à la maison, t'es tout seul, t'essayes de jouer, puis tu peux pas. Parce que, évidemment, tu peux décoller le jeu combat, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que, vu qu'il joue à deux, toi, tu manies tes avions, mais les avions de l'autre sont là, mais ils vont tout droit, puis ils tirent pas. Donc, toi, tu bouges, tu te promènes dans l'écran, puis tu tires, puis donc, tu gagnes à chaque coup. Donc, un petit peu plate de mettre un jeu pour deux avec la console. Voilà, ça fait le tour des jeux intéressants que j'ai eu dans ma boîte puante. J'en ai d'autres, là, comme les sports olympiques ou des affaires bizarres, là. Il y en a un qui s'appelle Kaboom, c'est supposé être un super bon jeu, mais là, c'est un genre de bandit qui tire des trois bombes en haut, puis moi, il faut que je bouge un genre de saut dans le bas, mais je suis incapable de bouger le saut. Je ne sais pas si la cassette est mal nettoyée ou si c'est moi qui n'ai pas encore compris. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois aller lire le manuel. Ouais. Et bon, on termine avec quoi? On termine avec le nombre de jeux qui sont disponibles pour ma belle console Atari Dark Vader. Je ne sais pas si vous avez entendu tantôt dans les publicités, Atari disait et plus de 1500 jeux de disponibles, mais je pense pas qu'il y a 1500. J'ai eu beau chercher, je trouve pas de chiffre précis, mais c'est impossible qu'il y ait 1500 jeux. Eux, je pense qu'ils comptent tous les modes de jeu. C'est pour ça que ben, si tu comptes tous les modes, là, c'est un chiffre extraordinaire. Là. Il y a plein de modes sur une cassette 120 modes. Fait que tu dépasses le 1500 jeux différents facilement. Mais d'après le wiki que j'ai lu, il parle de 900 titres différents, mais c'est pas clair. Il y a eu des jeux qui sont prototypes, des jeux qui sont jamais sortis à cause du crash de 83-84, mais pour lesquels on a retrouvé des exemplaires qui avaient été faits pour faire des tests. Il y a aussi des jeux qui sont super rares, qui ont été faits par des petites compagnies puis que tu pouvais obtenir juste par la poste. Il y a aussi trois jeux qui sont exclusifs à Sears qui vendaient les Atari. Bref, pour l'instant, malgré mes recherches, c'est impossible de savoir le nombre de jeux qui existent pour l'Atari 2600. Mais bon, c'est autour de 1900 à 1000. Puis la seule chose que j'ai trouvée, c'est que le plus rare de ces jeux semble être Air Raid. Air Raid, c'est un shoot'em up, ben, c'est un jeu de tir de 1982. Qui a été publié par la compagnie Men Vision. C'est le seul jeu qui ont sorti. Le joueur contrôle un navire qui défile côte à côte directement au-dessus de deux bâtiments dans le but de protéger les bâtiments contre la destruction par les bombes des navires ennemis au-dessus. Bon, en plus, la cartouche est super belle. Elle, c'est comme une poignée en T bleu avec une image de soucoupe volante qui attaque une ville futuriste. Car oui, les consoles, les cartouches d'Atari, ce qui est important, c'est que ça avoir la bonne taille de la carte du circuit intégré qui rentre dans la console, mais le reste de la cartouche, il sort de la console, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait que j'ai... Sur les 14 que j'ai, j'ai comme 3 modèles. Il y en a qui font un bout futuriste qui est comme coupé. Il y en a que c'est vraiment juste le rectangle. Il y en a que c'est coupé en pointu. En tout cas, il y en a qui font des lignes sur le bout pour rendre ça beau. Donc, il y a plusieurs cartouches qui sont différentes. Mais là, je me suis encore perdu. Je parlais de Air Raid. Il disait que le jeu avait une distribution extrêmement limitée, ce qui le rend aujourd'hui très recherché par les collectionneurs de jeux vidéo. En ce moment, il existerait seulement 4 copies qui sont connues pour ce jeu. Puis il y en a une seule avec la boîte, la cartouche et le manuel, donc qui est complète. Puis elle s'est vendue combien? Eh bien, ce jeu s'est vendu 33 433,30 $ en 2012 sur eBay pour la version complète. Voilà! Je vais aller revérifier dans la boîte du Weedmaster s'il n'y a pas Air Raid, parce que j'ai quand même j'ai vidé la boîte puis je l'ai remis dehors parce que j'avais peur de rentrer des coquerelles chez nous. Eh oui, bon. Bon, je nous laisse en musique. Non, je vous laisse pas en musique. Oui, je vous laisse en musique. Puis on a terminé. Ben oui. Vous avez écouté le Lobster 134 qui portait évidemment, là vous le savez, sur la belle époque de l'Atari 2600. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi j'ai adoré faire les recherches et lire toutes les belles histoires qu'il y avait sur ce temps-là. Ce que j'ai adoré, c'est l'histoire du Easter Egg. Ouais, ça, j'étais content de lire cette histoire-là. Donc voilà, c'est ça, c'est la fin. C'est la fin du premier épisode de la saison 4, le Lobster 135.0. Sur ce, bonne fin d'émission. Les yeux secs, dans mon appart qui fait frais. La manette, mieux que le sec. Des fois, je me souffle dans le cassette. Le monde virtuel me permet une vie passionnelle. Bourrée d'actes criminels, fait en pixels. La liberté a meilleur coup que le monde réel. Laissez-moi vivre en parallèle. Sois patient, j'plague la télé dans ma chambre, puis joue aux jeux vidéo. Fuck les parties, j'reste chez nous toute la journée, puis joue aux jeux vidéo. Manger de la marde, j'colle malade, puis joue aux jeux vidéo. Fuck les douchebags, je déménage. Expansion d'une érection. Les mémoires, l'esprit stack. Ça palpite dans ma prostate. Méga bug, méga drug. Simulateur de pot bloc. Un Tetris, un pénis. Un joystick, un clitoris. Reste moins patient. J'plague la télé dans ma chambre. Puis joue aux jeux vidéo. Fuck les parties. J'reste chez nous toute la journée. Puis joue aux jeux vidéo. Manger de la marde. J'colle malade. Puis joue aux jeux vidéo. Je déménage. J'ai vu dans ce magasin cette paire de mocassins, je les essayerai demain, ils me plaisent bien. J'ai vu dans ce magasin cette paire de mocassins, ah ouais ça ouais je suis sûr qu'ils m'iront bien. J'ai vu dans ce magasin cette paire de mocassins, je les essayerai demain, ils me plaisent bien. J'ai vu dans ce magasin cette paire de mocassins, ah ouais ça ouais je suis sûr qu'ils m'iront bien. Sa coupe est top et ajustée, elle a des poches, fermeture éclair. J'ai trop envie de la posséder, trop agréable, c'est une super matière. Elle ira bien avec ses pompes-là, je la mettrai avec ce futal. Je l'aimerai, elle sera à moi, avec ce soupule rouge, ça va faire mal. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein, j'irai l'essayer demain, elle me plaît bien. J'ai vu dans ce magasin cette